Je vais vous demander de bien vouloir prendre place. Je vais procéder à l'appel nominal. Tony Di Martino, présent. Olivier Tarabella, présent. Adam Chahir, Édouard De Noël, présent. Émilie Trigo, Vincent Doucissé, John G. Biro, Cédric Pape, Yasmina Sadoud, Choki Haddad, Edith Félix, Brahim Akrour. Il a donné pouvoir à Brahim Akrour. Merlin George a donné pouvoir à Émilie Trigo, mais elle est là. Elle est partie, Merlin ? Elle revient. Grégoire de la Gannerie a donné pouvoir à Anne de Rugy, Anne Gerval, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, Valérie Bille a donné pouvoir à Edith Félix, Yalana Dino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin, Mariam Diop, Kaline Tribic a donné pouvoir également, Amit Chahir, Mamadou Sila, Manon Chrétien, Hissène Ounissi, Zora Kelly, Mona Bellil, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet a donné pouvoir à Mme Desbordes-Silly, Laurent Jamais, Mme Desbordes-Silly, Raquel Garrido a donné pouvoir à Laurent Jamais, Claire Laurence a donné pouvoir à Sébastien Stalens, Solène Le Bourris. Je propose de désigner comme secrétaire de séance Mme Yalana Dino, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est approuvé. Nous n'avons pas de demande d'intervention du public. La réunion se tient sans public, vous l'aurez noté. Je vous informe, et vous l'aurez noté sur table, nous avons un amendement de l'exécutif concernant la délibération 11, une délibération supplémentaire qui a été rajoutée à l'ordre du jour, qui a été examinée en commission hier, qui concerne l'association Sort de Terre, deux vœux et une question orale. Est-ce que vous avez des remarques concernant le compte-rendu du conseil municipal du 18 novembre, Madame Desbordes-Silly? Oui, Monsieur le maire, chers collègues, nous n'approuverons pas ce compte-rendu, comme nous n'avons pas approuvé les précédents. Nous avons eu l'occasion de le dire dès le début du mandat, et je répète ce soir, c'est le procès-verbal de la séance du 18 novembre qui devrait nous être proposé, et non le compte-rendu de cette séance qui reprend simplement le résultat des votes et la liste des délibérations qui ont été adoptées. Pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, ce compte-rendu, c'est un document obligatoire. Le compte-rendu des délibérations de conseils municipaux sont des documents de publicité qui conditionnent la mise en vigueur des délibérations, mais qui est extrêmement succinct. Il y a un deuxième document, c'est Yalana Dino qui est en charge de le rédiger ce soir, c'est le procès-verbal de la séance du conseil municipal qui, lui, va restituer la teneur des débats, des échanges de façon totalement, intégralement. Bon. C'est quand même dommage qu'aujourd'hui vous nous demandiez depuis le début du mandat d'approuver des comptes rendus. Les comptes rendus, ce sont simplement des extraits des PV, alors que ces PV, ces procès-verbaux, vous les avez, vous les consignez. Ce serait quand même une avancée du point de vue de la transparence démocratique. Il n'y en a jamais suffisamment de transparence et jamais suffisamment de démocratie, que vous puissiez substituer ces comptes rendus extrêmement allusifs aux procès-verbaux que vous consignez et les mettre à la disposition des administrés, des habitants, parce qu'effectivement, on a la possibilité de suivre les vidéos, mais on peut aussi imaginer que ça se fait dans beaucoup d'autres collectivités, que vous mettiez à la disposition ces PV de conseils municipaux. Madame Silly, vous n'aura pas échappé que depuis plusieurs mois, les conseils municipaux sont enregistrés, donc ils figurent intégralement sur le site de la ville. Et aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de mettre en œuvre des comptes rendus exhaustifs du conseil municipal. Voilà. On pourrait, ouais, on peut toujours. Qui est pour l'approbation de ce compte rendu? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération numéro 2. Décision modificative numéro 2, Olivier Tarabella. Peut-être on fait ensuite. Non, allez. DM2. Bonsoir à toutes et à tous. C'est une décision modificative assez succincte puisqu'elle vise essentiellement à retracer les opérations comptables qui sont nécessaires pour les opérations de réaménagement d'emprunt auprès de la SFIL. On a eu l'occasion d'en parler déjà lors d'un précédent conseil municipal. mais là on est sur leur transcription comptable dans le budget de la ville de Bagnolet. Et ensuite quelques petits correctifs habituels à cette période de l'année sur les recettes et les dépenses, la plus significative étant l'augmentation de 200 000 euros des droits de mutation, qui porte ceci à 1,7 million d'euros, qui s'explique par le fort dynamisme de manière générale en France sur les cessions de biens immobiliers, puisqu'on est 15% au-dessus de 2019, ce qui paraît contre-intuitif au regard de la situation sanitaire, mais c'est quelque chose qui est constaté aujourd'hui sur l'ensemble du territoire et en particulier dans les grandes métropoles comme la nôtre. Je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur cette décision modificative qui, encore une fois, est essentiellement là pour permettre la comptabilisation des opérations de refinancement d'emprunt dont on a déjà eu l'occasion de parler. Oui, je ferai plutôt une explication de vote parce que c'est vrai qu'on a un conseil qui est relativement long, donc je ne vais pas faire une longue intervention, mais vous venez de le dire, le document porte essentiellement sur la question de la renégociation de la dette. C'est plutôt une bonne chose. On est intervenu à plusieurs reprises sur ce sujet. Je note aussi que Bagnolet n'est pas dans les premières communes qui renégocient sa dette. D'autres l'ont déjà fait. Explication de vote, parce que nous avons évidemment voté contre le budget. Cette décision modificative s'inscrit dans la ligne droite de votre budget, dont je rappelle quand même le caractère inédit qui s'était déroulé, c'est-à-dire le préfet avait saisi la Chambre régionale des comptes, ce qui nous avait conduit à une réunion, je dirais, précipitée au mois de juillet. Donc, il y a des questions qui sont portées sur ce budget, c'est évidemment sa soutenabilité, c'est l'encours de la dette, notamment avec les emprunts in fine. C'est l'assèchement des fonds de roulement, mais c'est aussi, je crois, la présentation qui n'est pas encore faite d'un vrai plan de désendettement de la ville. Donc nous aurons l'occasion ce soir d'intervenir sur un certain nombre de choix politiques que vous opérez, que nous contestons. Donc voilà, c'était pour donner le sens de notre vote contre ce soir sur cette décision modificative. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, interventions ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Autorisation de liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le BP 2022. Olivier Tarabella. Délibération très classique à cette période de l'année. Donc, ça nous permet, dans la limite de 25% des crédits ouverts à l'exercice précédent, de pouvoir engager des dépenses d'investissement avant le vote du budget et donc d'éviter évidemment un retard dans la réalisation des projets municipaux. S'il y a des remarques, des observations ? Pas de remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé, je vous remercie. Délibération suivante, extinction des créances suite à prescription de titre. Olivier. Je vais peut-être présenter les deux à la suite. Deux délibérations. 4 et 5, la 5, extinction de créances suite à une procédure de surendettement. Relativement classique, donc prescription de titre, c'est lorsqu'on ne peut plus récupérer l'argent parce que, par exemple, c'est une entreprise, l'entreprise a été liquidée, donc évidemment, il n'y a plus créancier. Lorsqu'on n'est pas dans le rang des créanciers privilégiés et que du coup, de toute façon, il n'y a pas de créances qui puissent être recouvrées. Ça peut être le cas de personnes qui sont décédées, ça peut être le cas de créances qui sont trop anciennes pour être recouvrées au regard de la réglementation. Voilà, donc ça, c'est très classique. On fait le point avec le trésorier nous les liste et on régularise. On sort ça de nos comptes. La même chose sur les procédures de surendettement, des ménages en difficulté qui ont été reconnus au niveau de la Banque de France avec une annulation totale ou partielle de leurs dettes. Et donc la ville tire les conséquences de ces décisions pour la part de créances qui la concerne. Est-ce qu'il y a des remarques sur la délibération 4 ? Passe aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 5. Est-ce qu'il y a des remarques ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 6. Protocole transactionnel et phage ad extra. Olivier. Rapidement, c'est suite à la vente du parking P4 Sud. La ville de Bagnolet, donc évidemment, a cédé le parking. Néanmoins, la prise en charge des dépenses d'électricité pour le parking se faisait via un marché conclu par le CIPEREC pour le compte d'un certain nombre de communes membres. Lorsque les opérations de cession ont été faites, les opérations de transfert sur ces comptes d'électricité n'ont pas été réalisées correctement. Et la ville de Bagnolet s'est retrouvée à rester partie 1 à un contrat de fourniture d'électricité incluant cette adresse dans le cadre de la, de la relance du marché du CIPEREC. Il faut donc qu'on régularise cette situation entre la ville de Bagnolet, l'acheteur du parking et le gestionnaire du parking qui doit payer la facture d'électricité, d'où ce protocole transactionnel tripartite qui est à somme nulle pour la ville puisque la ville va payer la créance puisque c'est la solution la plus simple pour qu'on puisse finaliser les opérations antérieures. Pour le futur, ça a été corrigé et les autres parties à la convention tripartite vont rembourser à la ville ce qu'elles auraient dû, elles, payer si les choses avaient été adressées correctement dès le départ. Voilà. Et on est, pardon, sur une somme totale de 63 848 euros. Est-ce qu'il y a des remarques, monsieur Jamais ? Oui, j'avais laissé mon micro allumé. Donc, moi, je veux dire plusieurs choses. D'abord, que, évidemment, notre groupe ne mettra jamais en cause les agents, mais peut-être... mettra en cause la qualité de l'organisation des services de la ville. Et je crois que la valse des cadres auxquels on constate participe de ça, et en tout cas, on est un symptôme. Il a fallu 3 ans et demi pour se rendre compte, vous avez votre explication, mais je vais le faire plus simple pour que les gens qui nous écoutent et nous regardent, c'est qu'en fait, les entreprises et le gestionnaire des parkings est resté en fait branché sur notre électricité et avait de l'électricité qui était pourvue par la ville de Bagnolet. Alors, on a donc un protocole transactionnel, ça veut dire qu'on abandonne les poursuites, parce que soit il y a eu, je dirais, un abus de ces entreprises Eiffage et le gestionnaire du parking, soit il n'y en a pas eu. Et je suis d'autant plus inquiet que lorsqu'on regarde le document que vous nous mettez ce soir, c'est un projet. C'est un projet et donc l'adopter en l'état serait, voilà, c'est marqué projet, l'adopter en état serait vous faire un chèque en blanc alors qu'on ne sait pas bien ce qu'il retourne de tout cela et l'avis même des entreprises dont vous dites qu'ils sont d'accord, mais en tout cas il y a au moins négligence sur les 3 ans sur lesquels ces entreprises ont pris de l'électricité et pour le moins, ce n'est pas clair d'avoir un document transactionnel qui ne soit qu'un simple projet. Olivier. Alors, bien sûr que c'est un projet puisque il n'est accepté que dès lors que nous le voterions ce soir. Donc, c'est de ce point de vue-là, évidemment, c'est normal. Oui, il y a une erreur qui a été commise. Maintenant, comme vous l'avez dit, ces erreurs, elles arrivent, elles ont plus ou moins de conséquences. De toute façon, il n'y a pas d'incidence financière in fine pour la ville, puisque les entreprises en question paieront leur dû, et donc tout sera somme nulle à la fin. C'est une situation qui est regrettable. Pour autant, elle s'explique par les relatifs faibles montants au regard de ce que sont les charges de fluide d'une collectivité comme Bagnolet. Elles n'ont pas été identifiées tout de suite. Un des premiers, en 2014, une des premières entreprises que nous avions reçues avec le maire, c'était notre fournisseur d'eau. Et on avait vu qu'il y avait depuis longtemps, très longtemps, il y avait une très mauvaise connaissance par la ville des points d'approvisionnement, que ce soit l'eau, l'électricité ou d'autres fluides. Il y a eu beaucoup de travail de nettoyage qui a été fait pendant ces années-là. Mais il doit rester quelques scories. Et il y en a une qui est là, donc on la corrige ce soir, mais qui n'a pas de préjudice pour la ville, puisqu'encore une fois, les sommes qui lui sont dues lui seront remboursées. Et pourquoi protocole transactionnel ? Parce qu'évidemment, c'est dans l'intérêt de tout le monde, dès lors que chacun reconnaît la réalité de la situation, de évidemment éviter un processus très contentieux qui coûterait de l'argent à tout le monde et qui, in fine, aboutirait au même résultat. D'autres remarques ? Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Acompte sur les subventions aux associations avant le BP. Là aussi, une délibération habituelle à cette période de l'année. Il s'agit de permettre aux associations, notamment celles qui ont des charges pour des locaux, qui ont des salariés, de pouvoir avoir une trésorerie toute l'année avant le vote du budget et avant le vote des subventions aux associations. Donc, on est sur les mêmes associations, comme tous les ans, toujours sur un quart du montant accordé l'année précédente. Donc, il n'y a pas d'élément nouveau là-dessus. Qui a des observations là-dessus ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient, c'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante convention avec le comité d'activité sociale et culturelle du personnel communal de la ville de Bagnolet et des établissements associés. Donc il s'agit de conclure pour une durée d'un an une convention avec le CASC et de flécher une subvention d'un montant de 110 000 euros qui prend en considération l'excédent constaté au titre de l'exercice 2020. Chacun connaît la crise sanitaire qui traverse le pays, l'excédent qui était d'un peu plus de 160 000 euros. Donc il est proposé d'ajuster la subvention au casque l'an prochain au regard de cet excédent. Est-ce que vous avez des observations, Madame Le Bourris? Oui, bonsoir. Nous prenons acte de cette délibération et nous voterons pour. Car le casque, et vous le notez dans le rapport, est un élément essentiel de la vie sociale des agents de notre ville et auquel nous sommes très attachés. Le casque mène une politique d'action ambitieuse dans tous les domaines et particulièrement dans le domaine culturel. En effet, le casque offre aux agents l'opportunité d'accéder à la culture à des tarifs très abordables, car oui, la culture est très chère. Pourtant, ce vote positif ne vaut pas pour un accord de gaieté de cœur, car nous ne cautionnons aucunement la vision comptable qu'elle sous-entend. En effet, vous utilisez la crise sanitaire pour justifier d'un mauvais niveau de dépenses de la subvention précédente pour la diminuer de 160 000 euros, moins 60%. Ce n'est l'avis de personne et certainement pas celle des représentants du personnel au casque que de vouloir constituer une réserve, mais ce n'est pas comme si la vie associative et culturelle ne s'était pas arrêtée ces derniers mois en France. Aussi, plutôt que de profiter de ce moment pour réinjecter des recettes dans le monde culturel, vous préférez contribuer à ce désastre en empêchant un plan de reprise qui aurait eu un peu de portée politique en direction des secteurs sinistrés. Nous voyons dans plusieurs collectivités une attaque contre les casques avec cette tentation de privatiser et de dessaisir les agents de leur capacité d'intervention culturelle. Nous serons donc très vigilants à ce que l'année prochaine, la subvention soit au niveau d'avant la crise sanitaire, mais aussi à la pérennisation du casque. Je vous remercie. Donc nous sommes d'accord en fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Délibération suivante, conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement. Est-ce qu'il y a des observations sur cette délibération? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante, mise à jour du tableau des effectifs. Donc, il s'agit d'une délibération traditionnelle. Le fait notable dans cette mise à jour du tableau des effectifs tient à la réussite au concours de gardien brigadier d'un agent ASVP. Donc nous avons des postes au tableau des effectifs qui relèvent de la filière police municipale. Donc nous proposons de nommer cet agent et il ne s'agit pas là de la création d'une police municipale, mais ça permettra d'exercer quelques missions supplémentaires, notamment celles qui concernent la mise en fourrière, qui est un sujet souvent épineux dans notre ville. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Madame Desbordes-Silly. Oui, bon, je ne vais pas s'exprimer sur la police municipale, son utilité ou non. Simplement, on avait une question qu'on n'a pas posée en commission sur le taux de vacances qui nous semble important. À quoi vous le rattacher, je crois que c'est à peu près, je sais, 123 de mémoire, donc c'est à peu près 10%. Voilà, 10% de postes vacants non pourvus. Donc est-ce que c'est lié à des difficultés de recrutement? Est-ce que c'est lié à un manque à un climat social dégradé, un manque d'attractivité de la ville? Est-ce que sur certaines filières, le taux de vacances est plus important? Je n'ai pas fait le calcul. Si de mémoire, c'était sur la filière administrative, voilà, on aurait pu poser la question en commission, on ne l'a pas fait. On vous la pose ce soir. Écoutez, non, il y a un taux de vacances très important dans le secteur petite enfance qui est particulièrement marqué en ce moment, qui touche de nombreuses collectivités, mais qui nous touche particulièrement à Bagnolet. Il y a un vrai sujet. Ensuite, c'est un taux de vacances relativement classique dans une collectivité locale. Je vous invite à aller consulter les offres d'emploi qui figurent sur les sites internet des collectivités voisines ou du département. Et vous verrez au nombre de postes ou d'extensions, vous verrez au nombre de postes ouverts que effectivement il y a des taux de vacances importants. Mais il y a une particularité aujourd'hui sur la petite enfance, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération 11, réaménagement des règles relatives au temps de travail des agents de la ville et du CCAS de Bagnolet, états généraux, pour l'amélioration du service public bagnoletais. Donc, chers collègues, vous trouverez sur table un amendement de l'exécutif. Je le disais en introduction. Les modifications, il y apparaissent en rouge. Il s'agit en fait de reprendre des dispositions législatives. Cette délibération n'est une surprise pour personne ici. On a déjà eu l'occasion d'en parler en juin dernier. Les lois du 3 janvier 2001 relatives à la résorption de l'emploi précaire, à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale d'une part, puis celles du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique d'autre part, sont claires. Elles prévoient notamment que les agents de l'ensemble des administrations doivent se conformer à un temps de travail annuel de 1607 heures. La loi donne aux collectivités un délai raisonnable pour appliquer cette réforme que chacun ici, je crois, regrette. Je ne m'en suis jamais caché, il ne s'agit pas d'une bonne loi. D'abord parce qu'elle vient mettre à mal des acquis sociaux négociés au plus proche du terrain et qu'ainsi se trouvent délégitimées les années de négociations avec les organisations syndicales et les représentants des agents de nos collectivités. Il ne s'agit pas d'une bonne loi aussi parce que le service public, qui constitue, chacun sait, un véritable bouclier pour nos concitoyens les plus fragiles, notamment en cette période de crise sanitaire, vit parce que des femmes et des hommes s'engagent chaque jour à son service pour les besoins, ici dans notre ville, des Bagnoletaises et des Bagnoletais. La crise sanitaire que nous traversons, nous le savons toutes et tous, l'a très largement démontré. S'il en était besoin, elle a démontré combien la mobilisation des agents publics et dans leur ensemble était exemplaire. Chacun ici peut, je crois, mesurer combien l'engagement de la quasi-totalité des agents de notre collectivité est mis au service des habitants de notre territoire, qu'il s'agisse des cantonniers, des ATSEM, des agents de entretien, des agents de la cuisine municipale, qui soit dit en passant, je le rappelle régulièrement, est encore municipal et le restera, des animateurs, des services techniques ou des agents administratifs, ils sont le bras armé de notre collectivité. Parce que nous avons chevillé au corps le respect de cet engagement, mais aussi parce que Bagnolet n'est ni une république autonome, ni une zone de non-droit, nous avons à cœur de mettre en œuvre cette loi de telle manière que l'impact sur le quotidien des équipes de la ville soit le moins négatif possible. Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger au sein de cette instance de ce sujet lors de notre séance du 24 juin dernier, où nous avions adopté une délibération avec 6 scénarii qui étaient mis sur la table. Sur cette base, nous souhaitions pouvoir échanger avec les organisations syndicales pour que l'application de ces nouvelles dispositions se fasse certes dans la contrainte, mais de la manière la plus partagée possible. L'échange n'a pas pu toujours avoir lieu. Ces dernières ne l'ont pas vraiment souhaité. Nous en avons pris acte. En conscience, nous avons retenu le scénario qui nous semblait être le moins dépénalisant pour les agents de notre collectivité, avec lesquels nous avons eu l'occasion d'échanger avec les membres de la municipalité au cours d'une quinzaine de réunions ces dernières semaines. La proposition que nous faisons ce soir d'adopter dans le délai légal prévu par le législateur un nouveau régime de temps de travail pour les agents de la ville et du CCAS, ce sera demain, est basée sur un volume hebdomadaire de 37h30, générant ainsi 14 jours de RTT. Il nous semble qu'il s'agit là du seul scénario qui n'entache pas de manière trop conséquente les jours de repos dont bénéficient aujourd'hui les agents. J'ai personnellement eu l'occasion de rencontrer, je le disais à l'instant, l'ensemble des agents de la collectivité. Je le redis, je sais que la réforme que nous sommes amenés à appliquer n'est pas bonne. Je sais aussi que nombre d'agents, comme ailleurs, à Bagnolet comme ailleurs, considèrent que cette loi est mauvaise, mais ils ont aussi conscience que cette loi doit s'appliquer. Une fois cette délibération de principe adoptée, dans chaque direction, dans les premières semaines de l'année, dans chaque service, s'ouvrira un travail collectif pour affiner les horaires de travail les plus adaptés permettant la continuité du service public. Ces concertations devront nous amener, bien entendu, c'est leur sens même, à prendre en compte là où cela s'impose, les suggestions particulières et la pénibilité de certains métiers, ce qui ouvrira droit à des jours de RTT supplémentaires. C'est l'un des objectifs des états généraux du service public local que nous avons lancé. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Djenan. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Effectivement, cette réforme n'est pas bonne, vous le dites, elle est mauvaise. Oui, la loi de transformation de la fonction publique territoriale, votée par la majorité de l'Assemblée nationale le 6 août 2019, a des conséquences profondes sur l'organisation de la fonction publique territoriale. Les droits et obligations des agents, le dialogue social et le statut des fonctionnaires territoriaux. Nous, élus du groupe, considérons que cette loi ne répond pas aux défis d'un service public pour le 21e siècle, qu'elle porte en elle un appauvrissement des moyens et de l'autonomie des collectivités locales, et donc du service rendu aux habitants. Elle pose entre autres l'obligation pour l'ensemble des employeurs publics de se mettre en conformité à compter du 1er janvier 2022 avec la durée annuelle du temps de travail à 1607 heures, mettant fin aux dérogations existant jusqu'ici. Nos services publics, longtemps considérés comme les joyaux de notre République sociale, sont maltraités, démantelés, fusionnés ou privatisés, au nom d'un dogme qui vise à favoriser le marché, à abaisser la dépense publique et à considérer le fonctionnaire comme un nanti. Nous n'oublions pas que le service public est en première ligne pour combattre une crise sanitaire, économique et sociale inédite par son ampleur et sa violence, et où ses agents font quotidiennement la démonstration de leur investissement et de leur attachement à remplir leur mission au service de l'intérêt général. Nous n'oublions pas qu'avec le gel du point d'indice, les agents de la fonction publique perdent chaque année de leur pouvoir d'achat, alors que les missions qui leur incombent n'ont jamais aussi été lourdes. Mais le plus scandaleux est qu'en pleine crise, le paiement des dividendes mondiaux a augmenté de 22% en glissement annuel pour 2021, concernant les 1200 entreprises cotées, et que la ministre de la fonction publique a annoncé le 9 décembre dernier que ce n'était pas le moment de revaloriser le salaire des fonctionnaires. Dans le contexte de crise économique et sociale que nous connaissons, nous portons l'idée que l'ensemble de la société devrait bénéficier d'une réduction du temps de travail. C'est une question de justice sociale, d'émancipation et aussi un formidable outil potentiel de relance économique. Aujourd'hui, les collectivités ont l'obligation d'appliquer ces nouvelles dispositions sous une menace comptable de la préfecture. Plusieurs maires de notre territoire, à l'initiative du maire de Bobigny, ont adressé une lettre ouverte au préfet pour une demande de dérogation dans l'application de ce décret. Également, le président du conseil départemental a saisi le 7 décembre dernier la ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Monsieur le maire, vous aurez pu vous joindre à eux au nom de notre ville pour saisir le préfet. Ils dénonçaient l'annulation de tous les accords relatifs au temps de travail des fonctionnaires territoriaux qui avaient été négociés dans les collectivités au fil des ans dans le cadre d'un dialogue social paritaire. Il s'agit bien souvent de jours de congés supplémentaires, d'applications plus favorables des autorisations d'absence, de congés exceptionnels au moment de départ à la retraite. Autant de mesures aujourd'hui précieuses pour aider les agents à résister à des conditions de travail particulièrement tendues. Ces injonctions sont dangereuses pour la pérennité des services publics. Elles remettent en cause l'attractivité de la fonction publique et la reconnaissance de la pénibilité de certains métiers. Pour en faire la démonstration, je prendrai l'exemple du département de la Seine-Saint-Denis. S'il venait à augmenter le temps de travail à 1607 heures, les agents perdraient, la collectivité perdrait 500 postes d'emploi et ferait près de 21 millions d'économies sur le dos des agents. Macron, lui, avait promis de supprimer 50 000 postes de fonctionnaires. Avec cette réforme, ce sont 57 000 équivalents temps plein qui sont supprimés et près de 3 milliards d'économies encore sur le dos des agents. Et je vous invite à aller regarder du côté de la fonction publique hospitalière, où ces mesures sont appliquées depuis une quinzaine d'années. Vous comprendrez aujourd'hui pourquoi l'hôpital n'est plus en capacité d'accomplir ses missions de permanence des soins et que partout en France, on ferme des lits et des services en pleine crise sanitaire. Aujourd'hui, les soignants fuient l'hôpital public car le secteur privé leur offre de meilleurs salaires et conditions de travail. Plus grave encore, cette loi vient détruire leurs services publics et faire le lit des privatisations, comme le recours à des embauches contractuelles, l'externalisation des services. Ce sont les services publics qui sont en danger et, en finalité, la population qui sera pénalisée. Alors que des accords d'entreprise se font dans le secteur privé, on supprime la liberté d'accord dans la fonction publique, mettant ainsi en danger son avenir. Alors que le principe de la libre administration des collectivités territoriales est inscrit dans la Constitution, elles perdent leur autonomie dans la gestion des personnels et plus largement dans la gestion communale. La refonte de la fiscalité et la transformation des taxes communales en dotation viennent rompre le lien direct entre l'habitant et l'impôt local, finançant le service public de la commune. Principe d'indépendance de la gestion communale. C'est inquiétant, sachant que ces dotations pourront servir à de véritables ajustements, alors que dans le contexte que l'on connaît, les communes ont besoin de moyens renouvelés. À Bagnolet, ce sont plusieurs jours donc, qui seront perdus si on appliquait froidement cette loi sans aménagement. Et ce sont des jours issus du fruit des conquêtes sociales construites localement au cours des décennies passées. Nous ne cessons de le dire. Dans notre société, le capitalisme règne. Les nantis sont de plus en plus riches, pendant que d'autres s'enfoncent dans la misère ou bien s'efforcent de survivre. Pour beaucoup, il y a quelques années, la fin de mois difficile débutait le 25. Aujourd'hui, c'est dès le 18 et même le 16 du mois que le porte-monnaie est vide. Pour elles, pour eux, pour nos salariés, il ne reste presque plus que nous, élus de gauche, élus de proximité pour les écouter, les recevoir, les défendre. Mes chers collègues, cette délibération soumise à notre examen pour ouvrir encore plus les voies de la précarité au sein de notre collectivité nous fait craindre le pire pour nos services publics, nos agents et la population. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Ah, c'est Mohamed Jenan en doublon. Encore une fois, le but de la municipalité, c'est d'amortir le plus possible les conséquences de cette loi, et c'est ce qu'on s'attelle à faire. Je propose de passer aux voix. Donc, il y a un amendement de l'exécutif qui est pour cet amendement, qui est contre, qui s'abstient. Et concernant la délibération amendée, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante, avenant au contrat d'assurance risque statutaire. Olivier. Je propose de faire un petit tunnel commande publique, à l'exception de la délibération relative au lot pour les masques, qui est retirée et qui sera représentée au prochain conseil municipal. La raison étant qu'on doit, dans l'attribution, on doit faire des attributions subséquentes. Donc le dossier sera représenté en CAO. L'idée, c'est que lorsqu'on attribue, étant donné évidemment l'importance de ce matériel, qui est notamment les masques FFP2, si jamais le premier prestataire ne peut pas fournir, il faut qu'on soit en capacité d'aller chercher le deuxième prestataire. On a vu pendant la crise sanitaire qu'il peut y avoir de grosses tensions sur ce genre de choses. Dans la CAO, on a fait les attributions qu'au premier et non pas au suivant. Donc voilà, pour éviter toute difficulté, on va repasser en CAO et on repasse en conseil municipal, ce qui permettra d'éviter toute difficulté juridique. Il n'y a pas de caractère d'urgence. Sur les autres marchés, donc on a d'abord l'approbation donc de l'avenant numéro 1 au contrat d'assurance risque statutaire, donc qui tient compte d'une demande de notre assureur de corriger l'équilibre économique de ce contrat entre ce qui est payé par la ville et les risques qui ont été supportés par l'assureur. Une demande qui a fait l'objet d'une négociation avec les services de l'administration générale et qui a permis de réduire la demande initiale qui induisait un surcoût de 94 000 euros qui est ramené à 58 000 euros. Et donc la proposition qui est faite, qui a été adoptée par la commission d'appel d'offres, c'est de valider cet avenant avec grâce à voix CNP Assurance pour une légère augmentation donc de la prime due à l'assureur qui s'élève maintenant à 2,85% de la masse salariale, soit 487 084 euros. Ensuite, nous avons plusieurs marchés publics. Approbation donc de l'accord cadre relatif à l'allocation à l'entretien de vêtements pour le personnel communal. Il s'agit d'une prestation maintenant qui existe depuis 4 ans. Le marché était arrivé à échéance. Un seul candidat s'est représenté, qui est la société Elis, qui est l'actuel titulaire du marché. Le marché a fait l'objet de légères modifications pour être plus adapté aux besoins des services de la ville. Et la CAO a décidé d'attribuer à cette société, donc à nouveau, cet accord cadre à bon de commande. On a ensuite la fourniture de repas en liaison froide pour les services de restauration des crèches. Il s'agit de l'une des modalités de fourniture de repas pour les crèches. Donc là, c'est également la société Dupont, titulaire actuaire du marché, qui a été retenue par la CAO. On a ensuite un nouveau marché, qui est un accord cadre relatif à la location de minibus, autocars et prestations de transport de personnes. Il y a beaucoup de besoins au niveau d'un certain nombre de directions de la ville, DGVSQ, enfance, éducation, pour du transport, soit à l'intérieur de la ville, soit à proximité pour des sorties scolaires, pour des sorties associatives, ou plus loin, lorsqu'il y a des classes vertes, lorsqu'il y a évidemment des séjours dans nos centres de vacances. La ville a quelques moyens internes dans son parc automobile, mais à certaines périodes de l'année, on peut avoir des demandes plus importantes qu'on n'est pas toujours en capacité de satisfaire. Ce marché public va nous permettre de disposer d'une certaine agilité pour répondre ponctuellement à ces demandes dans un cadre budgétaire qui est maîtrisé puisque contraint par le marché. Et nous avons enfin l'approbation de l'avenant numéro 1 au contrat d'assurance dommages aux biens. Donc c'est le même principe que précédemment. Il y a eu une hausse de la sinistralité sur la ville de Bagnolet liée notamment à des dégradations dans le gymnase. L'entreprise qui est l'assureur de la ville constate évidemment qu'il y a un déséquilibre économique entre ce que la ville lui verse et ce qu'elle a dû supporter comme coût sur la période antérieure. Et donc, elle demande à ce qu'il y ait une augmentation, évidemment, de la cotisation de la ville de Bagnolet. Donc, là aussi, négociation entre nos services et l'assureur qui ont permis d'aboutir à la proposition d'avenant qui a été, là aussi, adoptée par la commission d'appel d'offres. Et enfin, j'ai oublié, il y avait un protocole transactionnel avec un tiers suite à un sinistre sur le domaine public, devenu maintenant un peu un marronnier de notre conseil municipal. Merci. S'il y a des remarques, monsieur Jamais. Ben, je voulais intervenir sur la 12 et la 18. Donc, vous avez fait. Voilà, je pense qu'on interviendra sur les autres points au fur et à mesure qu'ils viendront. Non, je voulais intervenir effectivement sur des évolutions des assurances sur les risques statutaires et l'autre sur les dommages aux biens. En fait, ça touche deux aspects. Ça renvoie d'ailleurs à un aspect qu'a évoqué tout à l'heure Mohamed Jenan sur la question des agents de la fonction publique, la difficulté des missions, et ça renvoie aussi à la question de notre patrimoine communal, la manière dont il est entretenu, le vandalisme, etc. Et évidemment, la première question, c'est évidemment les êtres humains. Et quand même, on est, vous avez dit tout à l'heure, une faible augmentation, mais enfin, sur deux aspects, nous subissons une forte augmentation liée à la sinistralité de la commune, au regard notamment, pour ce qui concerne le personnel, au regard des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et moi, les chiffres, quand même, donnent un peu le tournis, parce que si j'en crois les documents que vous nous avez donnés, la ville a été remboursée, enfin, les assurances ont remboursé la commune à un montant de 507 996 euros au titre des sinistres survenus en 2018, 913 227 au titre des accidents survenus en 2019 et 487 355 au titre des accidents survenus en 2020. Voilà, ça fait quand même des chiffres importants et je crois que ça nous interpelle. Bon, quant à la délibération numéro 18, le contrat connaît une violente augmentation puisqu'il y a une majoration de 30% de la prime annuelle ainsi que l'augmentation de la franchise relative au sinistre vol vandalisme. Nous sommes intervenus régulièrement sur ces sujets, que ce soit sur les sinistres et les actes de vandalisme qui se multiplient. Je me souviens de l'intervention de ma collègue Solène Le Bourris à un précédent conseil municipal sur Fanara. Je crois que ça nous interpelle, voilà, ces deux délibérations, et c'est pour ça que nous voterons contre ces propositions, nous interpellent sur, je crois, une mauvaise gestion avec les agents de la commune, et puis, en ce qui concerne, le patrimoine des Bagnoletais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres remarques, Madame Desbordes-Silly? Oui, j'ai une question sur l'accord cadre relatif à la fourniture de repas aux crèches. Qu'est-ce que vont devenir les deux cuisiniers qui sont à Vienno et à Lénine dans ces conditions? Alors, c'est un marché qui était préexistant. Hein. Il n'y a pas de changement par rapport à l'existant. On a pour la cuisine centrale, on avait pour la cuisine centrale, puisqu'on a changé de typologie de marché, mais on avait pour la cuisine centrale comme on a là. des prestataires qui peuvent intervenir lorsque la ville se retrouve dans l'incapacité de fournir les repas habituels. Si jamais ça nous arrivait sur la cuisine centrale au mois d'avril, je crois, avec un cluster en gros à la cuisine centrale, on n'avait plus d'agents pour produire les repas, on a dû se résoudre à se retourner vers... Enfin, ça arrive, hein, c'est arrivé énormément d'organisations, évidemment, dans la période sanitaire. On a dû se retourner vers un prestataire extérieur pour fournir les repas, puisque tous nos agents étaient soit eux-mêmes malades, soit qu'à contact pour ce qui est des agents de la cuisine centrale. De la même manière, on peut se retrouver dans une situation où vous avez des frigos qui tombent en panne, un équipement de la cuisine centrale qui tombe en panne, ou des équipements qui sont dans les offices des crèches ou des écoles, où vous n'avez pas la possibilité de satisfaire évidemment le service qui doit être rendu tous les jours où le public est accueilli. Et donc ces marchés permettent, avec des prestataires, d'avoir une fourniture de secours en cas où la fourniture habituelle n'est pas assurée. Allez-y, monsieur Jamais. Oui, non, c'est pas tout à fait la question qu'évoquait Angéline Desborsili. Il y a actuellement deux cuisiniers. Il y en a un à Vienno qui, visiblement, fait la cuisine, avec un aide-cuisinier. Il y a un cuisinier à la crèche Lénine avec un aide-cuisinier, mais qui, à l'heure actuelle, puisqu'il y a eu des problèmes, je ne me prononcerai pas sur le sujet, mais en tout cas, il y a eu des problèmes, je crois, de respect de normes et qui a engendré des travaux. Et qui fait qu'aujourd'hui, ce cuisinier réchauffe les plats. Mmh. En fait, la question qui est posée, c'est est-ce que demain, alors que moi, je pense que c'est un atout d'avoir des cuisiniers qui cuisinent plutôt que d'avoir des cuisiniers qui réchauffent les plats. La question de savoir, c'est est-ce que demain, ces cuisiniers vont cuisiner pour les enfants des crèches ou est-ce qu'on va faire de la liaison froide uniquement sur l'ensemble de la ville ? Et des crèches. Pas prévu. C'est pas prévu, mais on va être vigilant sur ce point. Et je confirme qu'effectivement, on a eu des problèmes par le passé avec Crèche Lénine sur les questions de restauration et de normes. Délibération 12, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération 13, accord cadre relatif à l'allocation à l'entretien des vêtements de travail, qui est pour. Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. La délibération 14 est retirée de l'ordre du jour. Délibération 15, approbation de l'accord cadre relatif à la fourniture de repas en liaison froide pour le service de restauration des crèches, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Délibération 16, approbation de l'accord cadre relatif à l'allocation de minibus, autocars et prestations de transport de personnes, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Ouais. Délibération 17, conclusion d'un délibération d'un protocole transactionnel avec un tiers suite à un sinistre sur le domaine public, qui est pour. Sur la 17 ? Ouais. Allez-y. Quand même, non, mais on les compte plus, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu les chaussées, on a les pierres qui volent. Voilà. Moi, je pense que, si vous voulez, dans la présentation, il y a un problème, c'est qu'on présente toujours un peu les agents comme étant les responsables. Or, moi, je pense que vous avez un problème sur votre débroussailleuse, c'est ce qui ressort de la discussion qu'on a avec les agents. Il faudrait peut-être, à un moment donné, parce que je comprends que, évidemment, les assurances ne veulent plus nous assurer, parce que, je sais pas, donc nous, on va voter évidemment pour, parce que c'est Madame Sangaré dont on est bien triste pour sa voiture, parce que vraiment. Si la ville se met à casser un certain nombre de vitres comme elle le fait, enfin de pare-brise comme elle le fait régulièrement, je ne sais plus, on doit être à la quatrième, quoi. Donc on votera pour, mais je pense qu'il faut regarder votre débroussailleuse et je pense qu'on a besoin que dans les services techniques, on ait des instruments qui ne détruisent pas les biens des bagnoletés. On s'y attelle, notamment dans le cadre du budget. On achètera des débroussailleuses avec des jupes. Pardon ? Je dis, on achètera des débroussailleuses avec des jupes. Ah, d'accord, oui. J'ai eu peur un instant. Non. Délibération 17, donc qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération 18, approbation de l'avenant numéro 1, contrat d'assurance, dommage aux biens, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération 19, approbation de la convention de mise à disposition de services de la commune à l'établissement public territorial Est Ensemble. Délibération très classique, là encore, hein, donc c'est les fameux MADS 2021-2023, donc c'est les rapports entre la ville de Bagnolet et les services d'Est Ensemble sur les différents services publics. pour lequel cet ensemble est compétent, situé sur le territoire communal et donc qui règle les rapports administratifs et fonctionnels entre ces services, là où la CLECT règle ces rapports financiers que nous avons également l'année prochaine. Des remarques, des questions ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 20, transfert de la médiathèque à l'EPT Est Ensemble. J'ai déjà eu l'occasion d'en discuter la dernière fois. Monsieur Djenan. Oui, merci, monsieur le maire. Avant tout, je souhaiterais revenir sur les services que nous transférons à l'EPT. Et bien sûr, évidemment, je voudrais parler de la médiathèque dont il est question ce soir. Pour l'histoire, le réseau des bibliothèques d'Est Ensemble, déclaré d'intérêt communautaire en 2011, a été créé avec le transfert de 5 médiathèques, des villes de Montreuil, Pantin, Les Lilas, le Pré-Saint-Gervais et Bondy. En janvier 2016, une nouvelle réflexion sur les compétences du territoire en matière culturelle a été entreprise. Deux villes, à l'époque, Bagnolet et Noisy-le-Sec, avaient décidé de travailler sur l'hypothèse de transfert de leur bibliothèque. Celle de Noisy-le-Sec a été transférée. Quant à Bagnolet, le personnel s'était opposé au transfert. Nous ne l'avons pas fait. Ce soir, je souhaiterais rendre un hommage au personnel de la médiathèque de Bagnolet, qui depuis des mois ne ménage aucun effort pour continuer à accueillir dans les meilleures conditions les bagnoletés, et ce malgré d'énormes difficultés. Alors que nous avons traversé des semaines de confinement et que le besoin d'évasion, de culture, d'information et de rencontres était fort et important, vous avez choisi de réduire drastiquement le budget de la médiathèque. Nous l'avons d'ailleurs rappelé au dernier conseil. Moins 30% pour l'acquisition de documentaires, des documents, et 0 euros pour l'action culturelle. Concrètement, cela s'est traduit par moins d'achats de documents, moins d'offres d'action culturelle en direction de la population, et notamment des familles et des enfants. Vous conviendrez, c'est un choix qui a appauvri l'offre de lecture publique à la population de notre ville. Un autre choix était possible, celui d'affirmer une forte volonté de politique de lecture publique qui fixe les orientations de la collectivité en termes d'objectifs d'accessibilité à la lecture, à l'information et à la formation, qui sont les missions essentielles d'une bibliothèque publique. Vous aurez pu faire de notre bibliothèque le premier établissement en interaction avec les citoyens, avec les citoyens et la vie de la cité, offrant des services de qualité et répondant aux attentes de tous les publics. Vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, vous préparez un transfert. Pour notre groupe, comme le personnel, nous votons pour ce transfert par dépit, en espérant qu'elle retrouve les moyens de son rayonnement et nous éveillerons. Merci. Juste quelques précisions. La ville consacre des moyens importants à la médiathèque, à sa politique de lecture publique. Et on pourrait revenir sur les raisons qui, en 2016, ont conduit la municipalité à ne pas transférer la médiathèque à Est Ensemble, puisque je rappelle que seules deux médiathèques ne sont pas sur le territoire, ne sont pas transférées à Est Ensemble. Je pense que ça ne me paraît pas très intéressant de revenir sur ces débats passés. Aujourd'hui, je pense qu'on peut construire sur le territoire de la ville des politiques culturelles, des politiques de lecture publique importantes, de qualité, tout en étant à Est Ensemble. Voilà. Après, on va pas s'apesantir outre mesure sur le pourquoi du comment. Il y a des difficultés à la médiathèque, c'est vrai. Il y a des équipes qui sont en sous-effectif parce qu'il y a beaucoup d'absentéisme. Il y a des agents malades, plutôt. Il y a des agents en maladie. Donc, effectivement, c'est une vraie difficulté. Il y a 3 postes vacants aujourd'hui au sein de la médiathèque. Et ça, c'est une réalité qu'on ne conteste pas. Mais il ne s'agit pas pour nous de faire en sorte que la qualité de la politique publique en matière de lecture publique, c'est le cas de le dire, soit de moins bonne qualité ou que, comme ça a pu se faire il y a longtemps, ce n'est plus le cas maintenant, lors de transfert à Est Ensemble, qu'on transfère à Est Ensemble soit des équipements, soit des véhicules de mauvaise qualité, soit des équipes avec avec certains agents qui restaient dans la collectivité d'origine et on ne faisait que transférer les postes. Donc également, je souhaite rendre hommage au travail de nos agents qui, dans des conditions, c'est vrai, pas simples du tout, continuent à faire en sorte que la qualité soit au rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? J'avais une question. Ouais. Je l'avais posée en commission, mais elle n'a pas su me répondre. Pour les agents qui ne veulent pas être transférés, qu'est-ce qui est prévu ? Pour les agents qui ne veulent pas être transférés ? Ah oui. A priori, on transfère tout le monde. N'est-ce pas, M. Dégès ? A priori, on transfère tout le monde. S'il y a des gens qui ne veulent pas, c'est une possibilité. Il faudra une mobilité interne. Si vous voulez, le transfert effectif aura lieu d'ici 6 mois. Donc s'il y a des agents de la médiathèque qui ne souhaitent pas poursuivre à être ensemble, on fera en sorte de travailler à une mobilité interne. Mais je me souviens d'agents, notamment à l'époque, c'était des maîtres nageurs. Il y aura pas, ou des éducateurs sportifs, on ne pourra pas avoir de doublons. Mais on travaillera, si des agents ne souhaitent pas être transférés, à des mobilités au sein de la collectivité. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, détermination du tarif des repas fournis par la cuisine centrale au centre communal d'action sociale. Donc en fait, il s'agit de se remettre dans les clous par rapport à la tarification en direction du CCAS et notamment de la fourniture des repas chez les personnes âgées. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus, Monsieur Vigénal ? Là aussi, plusieurs interrogations. La première, pourquoi cette augmentation des tarifs en repas en direction du CCAS ? Pourquoi ce n'est pas passé au conseil d'administration du CCAS avant ? C'est demain. Oui, avant. Ouais. Donc c'est demain. Et cette augmentation des dépenses, comment sera-t-elle compensée par le CCAS ? J'ai pas compris la dernière. Le CA du CCAS a lieu demain. Oui. Donc la délibération sera également soumise demain au CA du CCAS. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas passée avant qu'elle arrive au conseil municipal ? Parce que le CA du CCAS, le dernier, a eu lieu il y a environ un mois et demi. Voilà. Il n'y a pas de caractère. Il n'y a pas une manœuvre de choux. Voilà, le CA du CCAS a lieu demain et le CCAS se prononcera demain sur cette délibération. Monsieur Jamais. Moi, je viens poser une question parce que même si ça a lieu demain, vous dites que le dernier a eu lieu un mois et demi. J'ose espérer que vous n'avez pas découvert ce besoin d'augmentation des tarifs parce que vous allez augmenter les tarifs des prestations repas. En direction du CCAS. Donc la question de Maureen Génan, c'est aussi comment c'est compensé. Et puis, notre inquiétude, pour dire les choses, c'est est-ce que demain, il n'y aura pas une augmentation des tarifs en direction là du CCAS, en direction des personnes qui ont ces repas ? Non. Non. Il n'y aura pas d'impact pour les personnes qui bénéficient de ces repas. Par contre, il y aura un impact pour le CCAS. Il y aura un impact pour le CCAS, mais aujourd'hui, c'est la ville qui supporte l'impact, puisque il n'y a pas eu de titrage pendant 2 ans. Pas eu de titrage parce que... La ville n'a pas titré au CCAS pendant 2 ans. Et vous pouvez nous dire pourquoi, parce que... Certains vous diront que c'était la crise du Covid, que les choses n'ont pas été suivies, voilà. C'est ça, on va dire que c'est ça. Désolé, c'est mystérieux, puis on peut pas. Non, on est un conseil municipal. Enfin, on est des gens. Vous voyez, c'est pas mystérieux. C'est la ville n'a pas titré au CCAS. La ville doit titrer et on doit délibérer pour pouvoir titrer au CCAS pour se mettre pour être carré. C'est tout. Il y a rien de et il y aura pas d'impact sur le prix. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Madame Desbordes-Silly. Excusez-moi, je ne comprends pas. Alors, je ne comprends pas d'abord les raisons de l'augmentation du tarif de repas. Puis, alors, j'y vois, mais peut-être à tort, un lien avec le changement de fournisseur. Alors, non, du tout. Aucun ? Non, aucun. Puisqu'il est question quand même de cuisine centrale, on peut peut-être évoquer... On peut l'évoquer, on peut parler de la cuisine centrale, le démarrage calamiteux de la DSP avec ce On peut parler de la cuisine centrale, il n'y a pas de souci. On peut avoir le débat, mais ça n'a rien à voir avec, avec Sodexo. Donc, et si vous voulez, on peut avoir la discussion sur la cuisine centrale, sur la fourniture de repas. Et sur l'augmentation du tarif, c'est cher, 5 euros. C'est pas ça. Olivier, non, je vous assure que c'est pas ça. Il y a deux choses. Il y a la facturation par le producteur, qui est la ville de Bagnolet, via sa cuisine centrale, d'une prestation à un tiers, qui est le CCS, puisque c'est une entité administrativement indépendante. Enfin, vous connaissez ça très bien. Et ensuite, il y a la question de la facturation de la prestation du CCS à l'usager final. Et dans le cadre de sa politique sociale, évidemment, le CCS met en place des tarifs qui tiennent compte des ressources des personnes. Et donc, le tarif qui est payé in fine par l'usager n'est pas forcément le tarif que la ville facture au CCS. Donc, on est bien sur deux choses différentes. Sur le tarif, la ville de Bagnolet, forcément, dès lors qu'elle donne une prestation à une personne extérieure, elle le fait à prix coûtant. Ce 5,08 €, il est calculé à partir du coût théorique sur le nouveau marché, sur lequel on n'a pas encore beaucoup de recul, mais on a quand même des éléments financiers qui permettent de le calculer de manière sérieuse. Et donc, c'est sur cette base-là que ce coût, qui est le coût de revient, finalement, de la prestation pour la ville, est calculé. Ensuite, le CCS, lui, fixe des tarifs, qui sont les tarifs de l'usager dans le cadre de sa politique sociale, et la ville, dans le cadre de sa subvention au CCS, accompagne cette politique sociale. Donc, tout ça sont des sujets qui sont dissociés. Il n'y a pas automatiquement d'impact entre le tarif que la ville facture au CCS pour la prestation et ce que le CCS facture à ses usagers pour le portage au repas à domicile ou pour l'appui au pinceau. Monsieur Germain. Oui, on a bien compris le sujet. Mais la question, effectivement, de Mohamed Jenan sur pourquoi le CCS n'est pas réuni avant, parce qu'elle est importante, parce qu'en fait, c'est à eux que va supporter le coût qui va augmenter. Du coût des repas. Et donc, la question que je pose, c'est est-ce qu'on compense ? Parce qu'on n'est pas non plus dans n'importe quel moment. Donc, si vous dites effectivement que les prix ne vont pas augmenter, en même temps, la charge pour la CCS va évidemment augmenter là, parce qu'ils vont payer des repas plus chers qu'ils ne le payaient avant. Encore plus si, effectivement, pendant 2 ans, ils n'ont pas été titrés. Dans un moment qui est celui où l'intervention d'un CCAS doit un peu se multiplier au regard de la difficulté des populations, c'est vrai que son budget nous interpelle, quoi. Enfin voilà, c'est une question qu'en tout cas le conseil d'administration du CCAS sera amené à se poser. Absolument. Inévitablement. Et notamment dans le cadre des flux financiers entre la ville et le CCAS et de la subvention que la ville verse au CCAS, ça fera partie des sujets du début d'année. Tout ça aurait pu être écrit dans la délibération. Oui, enfin, oui, sans doute. Édouard, tu veux dire un mot sur la fourniture de repas ? Peut-être un mot, puisque ça, on a été interpellé par des parents d'élèves, numériquement par certains membres de l'opposition, peut-être redire des choses posément. Je ne sais pas si le démarrage a été catastrophique. Mais en tout cas, c'est un démarrage, c'est un rodage, et en tout état de cause, ce n'était pas satisfaisant. Ça, c'est là le premier élément. Le deuxième élément, sur la question des quantités, elle est partie ta lettre. Oui, il y a une lettre du maire qui est partie à tous les parents d'élèves, donc qui vont la recevoir et avoir des précisions. Sur la question des quantités, il y a eu deux soucis. Il y a eu effectivement sur un ou deux repas, plutôt un problème de grammage, d'une part, et concomitamment, un problème d'inscription d'adultes qui n'étaient pas décomptés. Ça a été les deux problèmes qui se sont posés. Quand vous avez des adultes qui mangent autour de la table, il faut les compter. Voilà. Donc, ils ont été mal comptés. Donc, effectivement, quand vous avez un gros tas de semoule et que vous avez des adultes qui en mangent à côté des enfants et que ça a été mal compté, ça réduit les proportions. Au-delà de ça, il y a des questions de fond qui se posent, celui de la pérennisation de l'outil cuisine centrale. Donc on l'a dit, on le redit, le marché, c'est un marché de fourniture de denrées brutes, qui arrive à la cuisine centrale pour y être transformé. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, pour répondre à des écrits que j'ai vus qui disaient que ça, c'était 2% de bio, je crois, dans les assiettes. On faisait ça, juste on ne respecterait pas la loi. En fait, il y a une loi qui s'appelle Egalim, qui existe depuis déjà un an et demi ou deux, qui demande 50% de produits durables avec tel et tel et tel label, dont 20% de bio. Donc 2% de bio, c'est juste, c'est des fake news. Ça, ce sont les éléments que je peux vous donner. Et mon micro va me couper la chic. Et pour terminer, effectivement, il faut qu'on mette en place un comité de suivi avec les parents, enfin la communauté scolaire, éducative, et toutes celles et ceux qui seront intéressés pour que les menus soient conçus en amont, avec un droit de regard citoyen, et qu'on puisse faire les choses posément. Voilà, mais c'est pas Sodexo ne travaille pas à la cuisine centrale pour concevoir les repas. Il n'y a pas 2% de bio. Et comme on a, je pense, plusieurs autour de la table, nos enfants qui mangent en fait à la cantine face à face tous les midis, il n'y a aucune volonté de les affamer. Monsieur Djenan, j'ai pas compris. Vous dites que les adultes n'étaient pas comptés dans les repas, mais les adultes ils payent leur repas là. Non, en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu une école dans laquelle le décompte des adultes était mal fait, le nombre de repas apportés insuffisant. Voilà, il y a eu un raté sur un repas, parce que je vois qu'on s'est attaché à un midi couscous, donc il y a un midi où il n'y a pas eu suffisamment, ou en tout cas, disent certains, insuffisamment de semoule dans certaines assiettes. Premier jour, il y a eu un gros raté. Monsieur Stalens. Oui, vous faites part d'un taux qui n'est pas 2 ou 3% de produits. Vous faites part d'un taux, en tout cas, vous annoncez que ce n'est pas le taux de produits bio fournis, 2 ou 3%, mais est-ce que vous connaissez le taux de produits, le pourcentage de produits bio distribués lors des repas? Première question. Et qui élabore les menus? C'est la cuisine centrale ou c'est la Sodexo? Parce que vous décrivez une situation où la cuisine centrale est autonome et gère complètement de façon indépendante son action. Est-ce que la Sodexo est en charge de l'élaboration des menus? Et est-ce que la Sodexo, par exemple, aussi est en charge de l'éducation au goût de nos enfants? Monsieur Jamais, ensuite on va répondre. La réponse de monsieur Desnoyelles était incomplète parce que, effectivement, il y a la fourniture des repas, on l'a bien vu, c'est le marché. Mais il y a aussi toute une notion d'assistance. Et c'est là, à mon avis, qu'il faut qu'on s'interroge. Parce que les échos qui nous reviennent des parents, parfois aussi des échos qui peuvent nous venir de la cuisine centrale, c'est que la mission de Sodexo, elle est un peu renforcée, quoi. C'est-à-dire qu'en vrai... vous nous avez déjà dit, effectivement, les problématiques qui existent à la cuisine. Sodexo semble avoir pris une bonne partie des responsabilités. Donc, on avait déjà, effectivement, dans la question du marché, évoqué les questions diététiciens, etc. On peut s'interroger aussi sur... c'est pas une question qui nous est venue à l'époque, mais une grosse boîte comme Sodexo, elle peut avoir des moments donnés... beaucoup de choses à nous donner à pas très cher et lâcher un peu tous ces produits sur notre pot de ville, quoi. Donc, par exemple, une question, il semblerait qu'avant on savait faire la mayonnaise à la cuisine centrale et que maintenant la mayonnaise elle arrive par pot. Vous me le confirmez ou pas? Parce que Olivier va vous faire une réponse, mais juste j'ai rencontré les agents de la cuisine centrale le 9 décembre. Dans le cadre de la réforme du temps de travail. Et sincèrement, à aucun moment, j'y ai passé une heure et quart, une heure et demie, une réunion très intéressante, très constructive, à aucun moment, ce type de question n'a été abordé par les agents. Donc j'entends, on va être vigilant, mais ces sujets-là, ces questions-là, n'ont pas été abordées par les agents. Olivier. Comme le maire va régulièrement déjeuner dans les écoles, je ne doute pas qu'il testera la mayonnaise et qu'il pourra vous dire ce qu'il en est. Mais pour ce qui est du reste, je rappelle d'abord, et c'est important, la Sodexo ne fournit pas des repas à la cuisine centrale ou aux écoles de Bagnolet. La Sodexo fournit des denrées. Et fournit des denrées, c'est bien la cuisine centrale qui fournit les repas. Vous avez pu écrire dans des tracts autre chose. ça fait partie, on va dire, du débat politique, même si parfois un peu imbu de mauvaise foi, mais on produit bien les repas à Bagnolet à la cuisine centrale, par les cuisiniers de la ville de Bagnolet, qui sont des agents de la ville de Bagnolet. Et la Sodexo nous fournit des denrées brutes non transformées, c'est-à-dire sans conservateur, non salé, non poivré, non épicé, non tout ce que vous voulez. C'est vous prenez la carotte, vous épluchez la carotte, vous la coupez en bâtonnets ou en rondins ou ce que vous avez besoin pour faire la recette que vous avez à faire. Vous les mettez dans des sacs qui sont adaptés et vous les livrez à la cuisine centrale de Bagnolet. Et nos agents font avec ça ce qui est servi dans nos écoles. Donc là-dessus, les choses sont très claires. J'ai présenté de la même manière, de manière très claire, l'assistance technique qui a été demandée à Sodexo sur l'inventaire, la gestion de l'inventaire et de la fourniture des denrées, parce que effectivement, à la ville de Bagnolet, on n'était pas très bon sur la gestion des approvisionnements en anticipation des volumes, en gestion des modalités de livraison, dans la gestion administrative et comptable de l'ensemble de ce processus de fourniture de repas, enfin de repas de denrées, justement. Et donc, la Sodexo vient renforcer nos équipes là-dessus, mais aussi les accompagner de manière à ce qu'à terme, elles soient autonomes et avec des compétences renforcées sur ces questions. Donc, effectivement, il n'y a pas de surprise, puisque j'ai annoncé tout ça au moment où ce marché a été présenté au conseil municipal. Donc, je suis un peu surpris que vous soyez surpris. Et en tout état de cause, les menus sont élaborés avec des diététiciens, en fonction évidemment de la réglementation applicable en la matière. Il y a des grammages qui sont recommandés par la réglementation, on ne s'amuse pas à inventer des grammages. Par contre, effectivement, lorsqu'il y a une mauvaise estimation qui peut arriver ponctuellement du nombre de rationnaires un jour donné, effectivement, les quantités qui sont distribuées ne correspondent pas au nombre de personnes qui mangent. Et donc, les quantités individuelles sont réduites. Ça ne veut pas dire qu'on a essayé d'affamer les enfants. Je pense qu'on a autre chose à faire dans cette ville qu'essayer d'affamer les enfants. Enfin, je pense que vous pouvez nous donner acte quand même de ça. Donc, il y a un nouveau marché. Il y a quelques besoins de lissage pour que tout ça fonctionne, parce qu'on met en place quelque chose qui est assez lourd. Ça va être corrigé. Et très rapidement, je ne doute pas que tout ça fonctionnera très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, j'en reviens à la délibération 21, détermination du tarif des repas fournis par la cuisine centrale au CCAS. Qui est pour cette délibération, qui est contre, qui s'abstient, elle est approuvée. Je vous remercie. Délibération suivante, approbation de la convention d'OPA et rue du centre-ville et des coutures entre la ville de Bagnolet, Est Ensemble et l'ANA. Édouard de Noël. Oui, bonsoir. Rebonsoir. C'est une délibération assez importante. Vous le savez, parce qu'on a déjà parlé à plusieurs reprises dans ce conseil, la ville de Bagnolet, en partenariat avec Est Ensemble, mène depuis déjà plusieurs années une politique ambitieuse en matière de lutte contre l'habitat dégradé, spécifiquement sur le quartier des Coutures, où il y a un tissu d'habitat privé, de petits collectifs, qui souffrent de davantage de taux de logement indignes que dans le reste de la commune. Donc une OPA, c'est une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Elle a été mise en œuvre dans le quartier des Coutures pour 5 ans, avec une 6e année de prolongation eu égard à la crise sanitaire. Pour rappel, l'OPA, c'est un dispositif financier incitatif qui soutient les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, les syndics de copro dans leur projet de rénovation du bâti. L'OPA des Coutures est inclus dans le programme de requalification des quartiers anciens dégradés entre Montreuil et Bagnolet, dont elle est le volet incitatif. Et donc, pour avoir à peu près la jauge, l'OPA des Coutures a ciblé une trentaine d'adresses et à peu près 250 logements pendant 6 ans. À côté de ça, il y a eu un petit volet, vous le retrouvez dans la note, de lutte contre les copros dégradés. L'OPA est intervenu dans quelques adresses de la ville, un peu partout dans la ville, pour remonter des copros dégradés. Le bilan qu'on fait dans cette délib et ce dans quoi on se projette, c'est que si des travaux assez importants ont déjà été réalisés, on a besoin de deuxième et troisième tranches de travaux pour déboucher sur des réhabilitations complètes. Donc approfondir ce qui a été fait. Et dans le même temps, la Soreca, qui est l'opérateur qui est missionné pour faire le suivi animation de ce travail, a identifié dans le centre-ville de Bagnolet d'autres adresses qui auraient besoin d'un traitement similaire. Et du coup, on a à la fois l'approfondissement dans cette délibération et la projection vers le quartier centre-ville, où 24 adresses ont été identifiées, ça fait 304 logements précisément. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle ? D'abord parce que, on lutte contre l'habitat indigne, ce qui est quand même la priorité, parce que ça mobilise des financements publics importants entre État Est Ensemble, parce qu'on œuvre à la rénovation thermique et à la lutte contre la précarité énergétique dans ces bâtiments, et que, vous le verrez dans la note, une fois que les travaux sont faits, on arrive à des gains de plus de 40% en matière thermique, et puis que ça permet, pour un certain nombre de copros qui avaient du mal à se gérer, copropriétés en difficulté, de les remettre sur pied. Donc la convention là qui nous est proposée, c'est, je le disais, un approfondissement et une extension de cette démarche d'OPA. Il n'y a aucun financement qui est demandé à la ville de Bagnolet pour cette extension vers le centre-ville. Donc c'est une autre bonne nouvelle. Donc ça démarre là pour 2022-2026. Et j'en profite d'avoir le micro sur la question de l'habitat pour vous rappeler une autre chose importante, c'est que Est Ensemble a mis en place depuis le 1er décembre un encadrement des loyers sur les 9 villes de notre territoire. C'est une deuxième bonne nouvelle. Il y a maintenant un loyer de référence fixé par le préfet qui met un cadre financier pour empêcher l'envolée des loyers. Donc c'est une nouvelle qui va dans le bon sens. Une des responsabilités de la municipalité, c'est de diffuser le plus largement possible cette information par tout moyen de communication possible, afin que et les locataires du parc privé et les bailleurs soient informés au mieux de leurs droits et de leurs devoirs. Voilà ce que j'avais à dire sur cette délibération. Merci Edouard. S'il y a des remarques, des questions, je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération, qui est contre, qui s'abstient, est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante, dérogation au repos dominical des commerces. Jonji. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il s'agit d'une demande de dérogation de repos dominical des commerces pour l'année 2022. Plusieurs enseignes se sont manifestées pour demander quatre dimanches. Pour 2022, donc il s'agit de 2 janvier, 4, 11, 18 décembre 2022. Je vous rappelle que le maximum des dimanches pour les commerces pour être ouverts est fixé au nombre de 12 par la loi de 2015, 6 août 2015, dite loi Macron. Préalablement à la présentation de ce dossier, la métropole du Grand Paris a été sollicité pour avis. De plus, des courriers de consultation obligatoire des partenaires sociaux, comme les unions locales des organisations syndicales et organisations patronales, ont été envoyés par la ville. Donc, suite à cette délibération, le nombre et les dates bénéficient d'une dérogation au repos dominical pour l'année 2022 seront fixées par arrêté municipal, comme on le fait chaque année, avant le 31 décembre. Pour rappel, l'année dernière, le conseil municipal, pour 2021, il a autorisé une dérogation pour 9 dimanches. Donc, il y a une différence de 5 dimanches par rapport à l'année passée. Merci. Monsieur Jamais. Oui. Je vais dire, je suis un peu le marronnier d'Auchan, parce que j'interviens tous les ans sur le sujet. Je veux parler évidemment de la question des ouvertures, mais je veux aller un peu au-delà. Parce que le 18 mai 2021, on était avec les salariés d'Auchan dans un rassemblement qui a été important, qui était un rassemblement national, mais qui a rassemblé aussi des salariés de l'enseigne de Bagnolet. Effectivement, donc, cette présentation a une saveur particulière. Alors, vous avez déposé une délibération sur table. Je fais juste une remarque, c'est pour celle-ci comme pour la précédente, c'est bon, vous avez le droit de le faire et vous voilà, je pense qu'il ne faut pas en abuser non plus, parce que c'est un travail pour nous de voir les différences. En tout cas, on avait bien vu qu'il y avait cinq dimanches en moins, concernant notamment le centre commercial, l'enseigne Auchan, et je vais un peu plus me concentrer, comme vous l'avez dit, sur ce sujet. Bon, ça a été dit tout à l'heure, il y a un maximum qui est de 12. Vous l'avez déjà fait, c'était en 2016. Bon, on était intervenu, la CGT était intervenue. Donc, effectivement, ça ne me semblait pas très judicieux dans une ville comme la nôtre d'aller au maximum de ce que nous demande Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, sur sa loi dite d'égalité des chances économiques. Je pense qu'on peut mieux faire. On intervient régulièrement pour effectivement questionner cette question de l'ouverture dominicale, qui est quand même une attaque sur les droits des salariés et des familles. On note aussi qu'en fait, la demande de diminution provient des enseignes et non pas de la collectivité, non pas de la ville de Bagnolet. Bon, je crois qu'il faut qu'on se dise qu'en fait, il y a deux raisons à cela. Et il ne s'exclut pas. Il y a une baisse de la fréquentation née notamment de l'ouverture systématique le dimanche matin. Donc, à mon avis, il y a une baisse de fréquentation. Et puis, je pense qu'il y a une lassitude aussi d'un certain nombre de commerçants qui sont dans la galerie commerciale, qui sont contraints d'ouvrir lorsque le magasin Auchan est ouvert plusieurs dimanches dans l'année, toute la journée, et qu'il y a des pénalités qui sont attribuées. Donc c'est un mauvais coup sur les propriétaires et également sur les commerçants et leurs salariés. Pardon. Oui, moi je pense qu'il faut que je parlais de ce rassemblement en 2021. Au mois de mai, on a quand même un groupe qui a établi des profits records, 2 milliards d'euros versés aux actionnaires pour le groupe Auchan, 500 millions d'euros encaissés en aide publique, 1478 milliards d'euros de bénéfices. Bon, on peut se dire les choses, c'est que la famille Muliez, ça se passe bien pour elle, c'est pas mal. Ce n'est pas le cas des salariés et du magasin. On le voit d'ailleurs, je crois que le magasin Auchan est de plus en plus sinistre. Il y a des licenciements, je donnerai tout à l'heure quelques chiffres, on ferme des caisses et puis le centre commercial tourne beaucoup, donc c'est vraiment des éléments qui nous interrogent, avec des salariés qui ont joué un rôle primordial. On a applaudi un certain nombre de professions, mais c'est vrai que ces salariés ont été au front pendant plusieurs mois et ils méritaient tout autant que d'autres les applaudissements. Pourquoi il y a eu ce rassemblement au mois de mai 2021 ? C'est qu'actuellement, les primes trimestrielles, c'est entre 30 et 40 euros cette année. L'année dernière, il y a eu une prime exceptionnelle de 400 euros. Et j'ai eu une salariée d'Auchan qui est à Auchan depuis 27 ans. Aujourd'hui, sa fiche de paye, c'est 1200 euros par mois pour 35 heures. Et un certain nombre d'hôtesses de caisse qui font à peu près, ou qui font moins, pour un certain nombre d'entre elles qui font 25 heures, touche beaucoup moins. Donc je disais, on licencie parce qu'il y a une trentaine de salariés qui ont été, des postes ont été supprimés, remplacés en partie par des personnes en alternance, avec un effectif aujourd'hui sur le magasin qui est de 590 salariés. Si les chiffres qu'on m'a donnés sont exacts, il y en avait 1500 il y a 25 ans. En France, c'est 2599 suppressions en 2020 d'emplois, alors que, comme je l'ai dit, les profits explosaient. Donc nous, c'est pas tellement sur la baisse. Voilà, on va voter contre cette délibération. Ça porte pas tellement sur le simple fait de ces ouvertures. Ça me semble logique. Mais enfin, en tout cas, on souhaite marquer ce soir notre, en tout cas, comme on l'a fait avec les salariés, notre soutien aux salariés de cette enseigne qui souffrent au quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le sujet ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 24 et 25, concession publique d'aménagement de Lanoux, avenant numéro 9 au traité de concession d'aménagement et avenant numéro 2 à la convention tripartite. Olivier Tarabella. Donc, il nous reste, sur cette opération de rénovation urbaine du quartier de Lanoux, donc sur la partie sud de la dalle, qui inclut également la crèche et le centre social Tofoliti, deux catégories d'opérations à réaliser. D'abord, il nous faut obtenir l'approbation par les copropriétés de l'ANOU des modificatifs de règlement de copropriété et de la mise à jour de l'état descriptif de division en volume, c'est-à-dire en redécoupage en fait des parcelles foncières, enfin un redécoupage des volumes à l'intérieur des copropriétés des entrepôts. Ces opérations font par ailleurs l'objet de recalculs de tantième et de ce qu'est la charge de copropriété de chaque un des copropriétaires des entrepôts. Donc, c'est des opérations très lourdes. On salue le travail fait par les services de la Direction du développement territorial et des Sequano sur ce sujet. Parce que c'est un travail au long cours, avec des négociations parfois difficiles avec les copropriétaires, mais qui est en voie d'aboutir et qui aboutira normalement lors d'une Assemblée générale de copropriété qui se tiendrait mi-janvier. Le deuxième élément, c'est la rétrocession des biens de retour à la ville de Bagnolet. On en a déjà parlé. La ville de Bagnolet n'a pas vocation à être bailleur de locaux d'entrepôt, de locaux d'activité. Elle a donc mandaté la Sequano pour céder ses biens. Autrement, elle devrait lui racheter pour une valeur qui est aujourd'hui d'1 997 710 € hors taxe. Donc, un certain nombre de biens aujourd'hui ont déjà fait l'objet de propositions. C'est le cas de certaines places de parking que l'on a soit en boxé, soit en diffus. C'est le cas d'un premier local d'activité pour 720 000 euros par une SCI. C'est le cas d'un bloc qui a été constitué à l'intérieur du local GFF, qui a été divisé en deux blocs, en gros 400 mètres carrés d'un côté, 600 mètres carrés de l'autre. Les 600 mètres carrés étant occupés par la recyclerie de l'ANOU, dont l'activité est pérennisée. Pour l'autre bloc, on a un preneur qui a formalisé une offre et qui est conditionné à la réalisation de ces opérations foncières qui sont prévues à l'Assemblée générale de copropriété, donc mi-janvier. On a deux derniers lots, dont le principal est le local dit Body One, qui a fait l'objet d'une estimation à 1 600 000 euros par les domaines. On a aujourd'hui un deuxième commercialisateur qui a été mis sur ce local, une première offre qui a été faite par un preneur potentiel, mais qui était trop basse au regard de ce que Sequano estime pouvoir obtenir sur le marché. Deux visites d'investisseurs sont prévues d'ici Noël, des investisseurs qui viendraient potentiellement avec un locataire, et donc où il y aurait à la fois évidemment une cession du bien, mais potentiellement aussi un choix qui serait sur des projets qui permettraient donc aussi d'avoir une projection sur ce que ces locaux pourraient faire pour l'avenir. Donc on est tout à fait confiant dans le fait que ces cessions pourraient intervenir assez rapidement, potentiellement même dès le premier semestre 2022. Si nous prorogeons jusqu'à fin 2023 cette convention, c'est parce que nous ne souhaitons pas devoir revenir régulièrement devant le conseil municipal sur cette question, mais, et c'est prévu dans le document, vous l'aurez vu, si l'ensemble des opérations précitées, c'est-à-dire cette Assemblée générale de copropriété et les cessions que j'ai listées étaient réalisées, par exemple d'ici l'été, dès l'automne prochain, nous pourrions mettre fin à cette convention publique d'aménagement, ce qui bouclerait définitivement le programme de rénovation urbaine numéro 1 sur l'ANOU et les Malassis. Merci Olivier. Des remarques, des questions? Madame Desbordes-Silly. Elle est curieuse cette délibération, parce que là vous nous demandez de prolonger, de proroger jusqu'en 2024, peu ou prou, et lors du CM du 18 novembre, puisqu'on s'en souvient, ça a dégénéré, hein, c'était à l'origine du psychodrame. Mon collègue Pierre Vionnet vous a interrogé, on a approuvé le cracle, et il était stipulé que la clôture de l'opération intervenait au 31 décembre 2021. C'était il n'y a même pas un mois. Donc, par quel rebondissement? Alors, soit vous saviez, vous avez dissimulé, enfin, vous ne l'avez pas dit, pourquoi on a une délibération qui indique une clôture au 31 décembre et le 16 décembre, vous nous dites que vous prolongez jusqu'au 1er janvier 2024. Parce que formellement, il fallait le faire. Je rappelle que le crack il portait sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Pas la même période. Hein. Et donc, il était basé sur les documents, donc en l'occurrence l'avenant numéro 8, qui était en vigueur à ce moment-là. Enfin, je veux dire, ce sont deux choses totalement différentes. J'ai bien compris, mais donc, vous indiquez... On a parlé que de 2020. Et j'ai même pris la parole à un moment donné pour dire que c'était évidemment toujours un exercice un peu curieux, parce qu'on fait finalement le bilan d'opérations qui, pour certaines, ont été réalisées presque 18 mois auparavant. Et j'ai d'ailleurs dit à l'occasion de la commission numéro 1 que nous aurions à revenir certainement sur ce sujet, puisque chacun pouvait constater évidemment que les opérations de cession n'avaient pas été totalement réalisées. Donc il ne devrait pas y avoir de grandes surprises pour vous sur le fait qu'on soit aujourd'hui amené à délibérer. Ouais. Maintenant, de toute façon, évidemment que l'intérêt de la ville, c'est que ces biens soient vendus dans le cadre de la CPA, ne serait-ce que parce que pendant ce temps-là, c'est Quano qui en assure la gestion et la commercialisation, ce qui n'est pas le métier de la ville de Bagnolet, parce que ça se fait aussi à des conditions financières qui sont figées depuis 15 ans et qui sont forcément plus favorables à la ville aujourd'hui, vu l'évolution des prix du foncier sur le territoire. Et enfin, les opérations de remembrement foncier liées à l'EDDV, elles n'ont pas encore été réalisées. Et encore une fois, ce n'est pas la ville de Bagnolet qui va s'amuser avec des géomètres à redécouper des locaux d'entrepôt pour savoir où est-ce qu'il faut mettre le 21863e tantième entre le copropriétaire A et le copropriétaire B. Donc, je ne vois pas où se trouve la difficulté. C'est dans l'intérêt de la ville de Bagnolet de faire ces opérations. Et ça ne change absolument rien à l'objectif final, qui est bien la cession de ces locaux et la réalisation donc, de ces opérations de remembrement foncier. Je vous ai donné un point d'actualité sur l'état d'avancée des cessions. La quasi-totalité de ces locaux ont aujourd'hui des offres de vente, plutôt des offres d'achat d'ailleurs, et pour ce qui est du dernier Body One, une accélération puisqu'il y a aujourd'hui une première offre qu'on juge insuffisante, c'est quoi nos juges insuffisantes, et deux visites planifiées d'ici la fin de l'année. Donc, potentiellement, effectivement, les choses pourraient avancer assez rapidement. Mais alors, et je complète en précisant que ces deux délibérations ont été adoptées à l'unanimité par le Conseil de territoire avant-hier dans les mêmes termes. Je m'interroge quand même sur la nécessité que vous aviez d'indiquer que la clôture de l'opération était prévue au 31 décembre 2021. Et puis, je vais quand même mettre les pieds dans le plat, parce que on l'a évoqué lors de la séance du 18 novembre. La ville est à feu et à sang à cause d'une polémique. Alors, je vous regarde, je prends des pincettes, parce que le sujet est extrêmement sensible. L'ANU, c'est la Maison de l'écologie populaire. Vous avez parlé, quand on a évoqué la question des modalités d'attribution, vous nous avez parlé de bail précaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un bail précaire qui est prorogé de quelques mois, absolument, le temps que l'on vende. Tout à fait. Bien sûr. Voilà. Bon, ok, très bien. Bon, il n'y a pas qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il s'agit simplement de savoir, d'apaiser. Aucune ambiguïté. On note bien votre sentiment votre volonté d'apaisement, Madame Desbordes. J'espère bien. Non, mais je pense que tout le monde autour de la table. C'est mieux quand les choses sont dites. C'est mieux quand les choses sont dites plutôt apaisé. Que de s'écharper pendant des semaines sur des questions qui ne méritent pas de s'écharper. Encore une fois, Madame Desbordes, loin de moi l'idée de polémiquer. Ces deux délibérations ont été adoptées avant-hier par le Conseil de territoire à l'unanimité et dans les mêmes termes. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations? Je passe aux voix. Délibération 24, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération 25, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération 26, îlot Édouard Vaillant, sollicitation de M. le préfet de la Seine-Saint-Denis pour l'ouverture de l'enquête conjointe préalable à la DUP. Cédric Pape. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, donc nous allons aborder le sujet de l'îlot Édouard Vaillant, lieutenant Thomas, situé dans le quartier des Coutures et composé de 6 parcelles, comme c'est exposé dans la délibération. Nous avons mandaté l'EPFIF pour réaliser le portage financier de cet îlot en vue d'y réaliser une opération de logement, notamment à destination de l'opérateur Adoma. Comme d'habitude, l'outil EPFIF nous permet de contrer certaines opérations immobilières de promoteurs privés, de maîtriser le projet d'avenir et d'avancer sur la dépollution du site. Donc, dans ce cadre-là, nous souhaitons, à la demande de l'EPFIF, solliciter M. le préfet pour mettre en œuvre une procédure d'enquête d'utilité publique et d'enquête parcellaire. Et comme vous l'aurez constaté, dans les 6 parcelles, on retrouve la fameuse indivision Molino qui a fait couler tant d'encre pendant la campagne électorale. Donc, vous voyez qu'on s'occupe du dossier. Merci Cédric. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Jamais? Oui, c'est, ça a été la seule intervention, comment dire, un peu polémique sur le sujet, parce que bon, voilà, je pense que effectivement cette parcelle a besoin d'évoluer. On a attiré l'attention, mais je pense plutôt à mes amis de la liste conduite par Claire. Moi, je pense qu'il faut qu'on leur rende hommage dans ce combat qu'ils ont mené, et fort bien, parce que je crois que la situation n'était pas acceptable, ni pour les riverains, ni pour les gens qui vivaient autour de ce local. Donc, voilà, je pense qu'on doit se féliciter collectivement que ce dossier bouge, il a trop tardé. En ce qui concerne le fond du dossier, on ne sera pas très positif sur un certain nombre de dossiers ce soir, mais sur celui-ci, on votera pour, à la fois parce que on est sur une question de portage public avec un outil public qui est l'EPFIF, et d'autre part, on est sur un sujet évidemment de foyer à Doma, qui est un manque absolu dans notre région. Ce qui m'amène quand même à poser des questions, si vous le permettez, sur la question du lien avec le foyer Robespierre, parce qu'on sait qu'Adoma, à un moment donné, voulait desserrer ce foyer, qu'il y a des problématiques qui sont lourdes, on a plutôt des petites chambres voilà, qui sont parfois suroccupées, et la construction de cette opération peut être l'occasion d'aller vers un travail, je dirais, qui permet de régler les problématiques, y compris de ce foyer qui, comme l'ensemble de ces foyers, a mal vieilli. On connaît les problématiques qu'ont connues par exemple la ville de Montreuil sur l'ensemble de ces foyers, mais c'est vrai que celui-ci, ne connaît pas un certain nombre de dérives qu'ont connues certains foyers dans de villes voisines. Ceci dit, il demande une intervention assez rapide, et c'est vrai que ça peut être l'occasion. Voilà, je voulais un éclaircissement là-dessus. Alors, c'est assez simple. L'opérateur Adoma, nous sommes tous d'accord pour constater que le bâtiment rue Robespierre est obsolète et comporte, à mon souvenir, 400 logements, à peu près 400, 390 et des brouettes. L'opérateur Adoma s'est approché des services de la ville pour tout simplement nous faire part de sa décision de vouloir détruire et reconstruire à cet endroit-là un foyer plus petit, parce qu'aujourd'hui, c'est leur politique de faire des foyers, on va dire, à taille plus humaine. Et dans cette optique-là, il leur faut déjà, dans un premier temps, trouver d'autres terrains pour construire d'autres unités d'environ une centaine de logements. Et dans ce cadre-là, Monsieur le maire, évidemment, souhaite accompagner Adoma pour qu'ils conservent leurs 400 logements sur la commune. Et nous avons vu là l'occasion, à travers ce projet, de cibler cet endroit-là, de flécher cet endroit-là à travers les FIF pour apporter une première solution en fait à l'opérateur Adoma en y mettant une centaine de logements. Après, il reste effectivement à trouver d'autres terrains et puis de les accompagner dans la construction, dans la destruction et la reconstruction du bâtiment actuel. Donc c'est évidemment un projet à long terme et nous aurons, à mon avis, l'occasion de revenir dessus courant du mandat. En fait, on a des discussions serrées avec Adoma, parce qu'il faut effectivement, c'est le cas de le dire, desserrer l'actuel foyer, peut-être le démolir. Il faut reconstituer l'offre ailleurs, puisque voilà. Mais aujourd'hui, on sait que la politique d'Adoma, c'est de construire des plus petits foyers. Et il faut trouver les sites. Et ce qui aussi est important pour moi et pour nous, c'est quid du site actuel en cas de reconstitution ailleurs. Est-ce que c'est démoli? Est-ce que c'est réhabilité? Est-ce qu'il se passe quelque chose sur le foncier ou pas? Et tout ça, ce n'est pas encore traité avec Adoma, mais nous sommes favorables pour accompagner cet opérateur pour desserrer l'actuel foyer qui est, on a eu l'occasion d'en rencontrer les habitants il y a quelques mois, on était avec Choki Haddad au cours d'un incendie, et c'est vrai que les gens vivent dans des conditions des conditions indignes de notre époque. Donc on y travaille. C'est pas encore abouti, mais c'est voilà, cette opération est un premier pas dans cet objectif. S'il y a d'autres remarques, je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante: mutation du terrain communal Jean Lelive, cession d'une emprise de 2196 mètres carrés sur une partie des parcelles U517 et U519 à Séquence. Donc c'est la poursuite avec la délibération suivante, Cédric. Comment on peut dire concernant le terrain pif le chien, cette ancienne décharge à ciel ouvert, c'est que enfin on avance sur une solution satisfaisante et pérenne à ce sujet. Cédric. Je pense que j'imagine qu'on sera tous d'accord pour faire muter ce terrain qui lui aussi a fait couler beaucoup d'encre pendant la campagne électorale. Et vous voyez que sur ce second dossier, nous le traitons avec sérieux. Donc il s'agit d'un terrain municipal, symbolique, comme l'a dit monsieur le maire à l'instant, d'une surface de 9991 mètres carrés, qui est symbolique parce qu'on en a parlé pendant la campagne, mais qui est aussi symbolique parce que c'est la jonction entre deux quartiers, les Malassis et Lanoux, et qui fait aussi la jonction entre deux communes, Bagnolet et Montreuil. Juste pour rappel, comme le disait monsieur le maire, on l'appelle Pif le chien parce que ça a notamment abrité une imprimerie pour un fameux magazine, qui est aussi source de la pollution aujourd'hui sur le terrain. Donc, nous l'avons connu trop longtemps en déshérence, inoccupé, et donc aujourd'hui, et à un moment même une décharge, puisque vous l'avez dénoncé. Et en octobre 2019, pour rappel, la ville est intervenue pour nettoyer ce site, ce qui a conduit à enlever plusieurs milliers de mètres cubes de déchets. Et en janvier 2020, des terres ont été déposées pour former des merlons et éviter tout nouvel usage du site. Dans le cadre du programme de rénovation urbaine des quartiers des Malassis et de Lanoux, ce terrain est identifié pour faire l'objet de deux aménagements. Donc la création d'une liaison piétonne qui permettra de relier les deux quartiers en passant au-dessus de l'autoroute A3, la construction de 60 logements locatifs intermédiaires dans le cadre des contreparties foncières dues par la ville aux financeurs du PRU, Action Logement, et, puisque c'est un programme mixte, la mise en œuvre d'un projet de villa d'artisans. Voilà aujourd'hui la délibération que l'on vous présente pour l'avenir de ce site. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Stalens? Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, j'aimerais avant toute chose revenir un petit peu sur l'historique de cette parcelle et les raisons pour lesquelles vous nous proposez aujourd'hui cette délibération. Tout d'abord, vous le savez, nous manquons cruellement de foncier d'importance à Bagnolet. Nous avons pu le constater dans le cadre du projet encore récemment de la reconstruction du Collège Travail. Rappelons la surface de celui-ci de foncier, 9991 mètres carrés. Donc 9991 mètres carrés que nous abandonnons, une fois de plus, à des acteurs extérieurs, des aménageurs en l'occurrence. Mais revenons au point de départ. Vos services, monsieur le maire, ont durant plusieurs années utilisé ce site comme décharge et vous en étiez parfaitement informés. Nous obligeons aujourd'hui à mettre en place une phase lourde, très lourde même de dépollution, plus de 30 mètres de terre à décaisser, selon certaines études en tout cas. Les déchets entreposés étaient extrêmement polluants, essentiellement le contenu des poubelles de rue, donc intraçables, on y met un petit peu n'importe quoi, pas de tri du tout, donc extrêmement polluants. Le coût de cette dépollution s'élève à 742 560 euros. Une somme énorme pour une ville comme Bagnolet, bien entendu. Pourquoi ne pas faire peser cette charge sur les aménageurs, comme la loi vous le permettait? La Sequano et Séquence en ont très clairement les moyens. Maintenant, les recettes fiscales retirées de cette opération immobilière ne peuvent être en aucun cas considérées comme une contrepartie, et pourtant vous l'indiquez dans votre présentation. Ces recettes sont normales. Elles ne compensent en rien la viabilisation, la dépollution ou les frais de terrassement. En quoi consistent-ils d'ailleurs ces frais de terrassement, Cédric? C'est de l'aménagement? Maintenant, le projet que vous nous présentez ce soir en délibération est vide de sens pour notre ville et sans bénéfice financier pour Bagnolet. C'est un projet au rabais, sans ambition réelle de l'entre-deux. Revenons sur le détail de cette proposition, que j'ai bien dit le détail, puisqu'il ne s'agit à vrai dire que d'une simple division de parcelles avec un chemin permettant l'accès, le niveau 1 du projet urbanistique. Pensez-vous qu'il soit sérieux de nous proposer de délibérer sur cette simple présentation ? Où sont les concertations avec les riverains et les riveraines ? Où sont les appels à projets ? Où sont les réunions de concertation ? Où sont les architectes et paysagistes qui ont travaillé sur ce projet ? Vous aviez pourtant, vous, monsieur de Noël, un projet pour cette parcelle, vous vouliez en faire un petit bois. Cette proposition avait au moins un sens, un espace vert aménagé pour les habitantes et les habitants du quartier. Mais non, aucune ambition écologique ne vous anime, puisque ce projet prévoit l'imperméabilisation de 80% de cette surface. Maintenant, la ville a besoin cruellement d'argent. Votre motivation était peut-être là. Mais non, malheureusement, ce projet ne nous rapportera quasiment rien. Les chiffres sont les suivants. Prix de vente pour la séquence, 1 euro. Prix de vente pour Sequano, 1 500 000 euros. Coût de dépollution, 742 560 euros. L'opération suivante, 1 500 000, 1 euro moins 742 560 euros égale 757 441 euros pour une parcelle de quasi 1 hectare aux portes de Paris, ce qui représente 75 euros 80 centimes du mètre carré, un tarif de province. Puisque nous en sommes au calcul, et si nous nous basons sur le prix proposé par les domaines, à savoir 256 euros du mètre carré, c'est alors 1 995 000 euros que la Sequano aurait dû proposer au minima. C'est peut-être bientôt Noël, 495 000 euros de ristourne. Au vu de ces éléments, nous sommes persuadés que vous auriez pu obtenir une compensation bien plus favorable pour notre ville si vous aviez mené différemment ces négociations. Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de retirer cette délibération, nous permettant cette fois d'envisager au mieux l'avenir de cette parcelle si précieuse. Je vous remercie. Alors, monsieur Stalens, je pense qu'il fallait forcément m'en donner que quelqu'un vienne rompre le caractère consensuel et apaisé de cette séance. Et effectivement, en matière de remembrement parcellaire ou de démembrement parcellaire, vous en connaissez un rayon. Vous évoquez une réunion publique de concertation. Elle a eu lieu le 23 novembre. Bon, elle a eu lieu le 23 novembre, on ne vous y a pas vu. Voilà, donc quelques habitants présents ont été... Une réunion peut suffire pour la... On l'a évoqué également au conseil de quartier, on ne vous y a pas vu non plus. Mais si vous voulez, comme on ne vous voit jamais nulle part en réunion de concertation ou en conseil de quartier, effectivement, vous ne pouvez pas savoir que ces réunions ont lieu. Donc, mais ne dites pas qu'il n'y a pas eu de concertation. Ensuite, oui, ces terrains sont pollués, ça ne nous a pas échappé. Et ils sont pollués depuis longtemps, depuis très longtemps. Lorsque j'ai été élu avec la municipalité de l'époque en 2014, on s'est engagé à ne pas densifier la parcelle. Vous vous souvenez, par le passé, il y avait des projets d'immeubles de 220 mètres de haut, avec l'arrivée d'un téléphérique. Et à l'époque, en 2011, 2012, si ma mémoire est bonne, il y avait une mobilisation des habitants, parce qu'il était aussi question de raboter des immeubles du côté de la rue Jean-Lolive. On s'est engagé à ne pas densifier la parcelle. On doit, mais ça vous a échappé aussi, reconstituer l'offre de logement dans le cadre du PRU 1 qui a été signé en 2009. On doit 60 logements à l'euro symbolique, à la foncière logement, sur ce site. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est à séquence. Donc, on le sait depuis longtemps qu'on doit reconstituer cette offre de logement, depuis 2009. Mais ça aussi, ça vous a échappé. Ben si, ça vous a échappé. Bien sûr que ça vous a échappé, puisque le principe même, effectivement, si on voulait construire 300 logements sur ce site, on pourrait faire une opération financière plus importante. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on s'est engagé vis-à-vis des habitants du quartier à ne pas densifier la parcelle. Donc du coup, ben, au lieu d'avoir 120 ou 150 logements, par exemple, sur l'opération séquence, ce qui était possible, hein, on pouvait aller jusqu'à 140, 150 logements. On s'est contenté des 60, à l'euro symbolique. Voilà, c'est un choix. Et pour ne pas densifier la parcelle, on a essayé de trouver un projet avec Sequano sous son volet opérateur immobilier et son partenaire Human, une opération qui ne densifiait pas et qui essayait d'amener un peu d'activité sur le site. Vous passez votre temps à nous reprocher de ne pas ramener de l'activité économique à Bagnolet. On essaye d'avoir un projet qui puisse essayer d'amener de l'activité, des maisons d'artisans en l'occurrence. Donc forcément, ça ramène moins de sous. Ça ramène moins de sous, il y a moins besoin de dépolluer sur ce volet-là. Donc oui, effectivement, on amène un terrain à séquence, peut-être qu'il faudra dépolluer davantage, peut-être pas du tout, peut-être moins, on ne sait pas encore, c'est ce qui est précisé dans la délibération. Et on vend à Sequano et à Human sur la base d'une évaluation transmise par les domaines qui nous permet de ne pas densifier la parcelle. Mais si vous pensiez qu'il fallait ramener davantage de sous, il fallait venir à la réunion publique du 23-11 à Tofoliti et présenter ce type de projet aux habitants qui, eux, dans leur diversité, s'étaient mobilisés il y a 9 ou 10 ans pour qu'on ne densifie pas le site. Parce que tout ça, c'était les cartons, dans les cartons à l'époque. Donc à un moment donné, moi, je veux bien qu'on vienne nous expliquer comment mieux gérer les opérations immobilières de la ville. Mais soit on densifie, soit on ne densifie pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Pendant des mois, vous nous avez donné des leçons sur la délibération dont on a parlé tout à l'heure, la délibération 27. Là, vous venez nous expliquer qu'on pourrait faire autrement sur la parcelle PIF. Oui, on pourrait faire autrement sur la parcelle PIF. Oui, mais il faut assumer que pour faire autrement, il faut densifier. Voilà, c'est tout. Et donc là, en l'occurrence, on fait le choix de ne pas densifier, d'essayer de faire rentrer quelques recettes dans les caisses de la ville, et c'est le sens de la délibération qui est proposée. Et croyez-moi, les habitants sont plutôt soulagés, un, de ne plus avoir une décharge à ciel ouvert, et deux, de ne pas avoir des tours en face de chez eux. Vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres observations, Monsieur Stalens? Oui, ça ne répond pas non plus à la question. Enfin, je ne pense pas que ma situation personnelle, ma présence ou pas à une réunion de concertation soit déterminante pour changer l'axe d'une politique, la vôtre en tout cas. Quand je l'ai dit tout à l'heure, dans mon intervention, j'ai dit l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on n'est ni sur un projet écologique avec une récupération de bénéfices pour la population, on n'est ni sur un projet ambitieux financier pour la ville, à savoir qu'on va récupérer 750 000 euros, et encore, si la dépollution est limitée aux 742 000 proposés. Ça peut très bien monter beaucoup plus haut et gagner encore un peu moins d'argent. C'est-à-dire qu'on va se débarrasser d'un hectare, un hectare, aux portes de Paris, pour s'en débarrasser. Donc on a réglé le problème de séquence, du 60. Mais comment on fait ? Comment on fait pour séquence ? Il y a peut-être. Expliquez-moi comment on fait pour séquence. C'est vous expliquez-moi. Voilà. Moi, je veux bien. J'entends. Mais comment on fait pour les 60 logements que l'on doit à séquence depuis 12 ans ? Ce n'est pas le seul foncier. Ce n'est pas le seul foncier en capacité d'accueillir ces 60 logements. C'est aujourd'hui, voilà, ce qu'on. Et j'aimerais juste que Cédric. Alors, s'il vous plaît, pas Cédric non plus. Restons juste dans les données factuelles qui sont le prix de vente. Et là, c'est quoi, non ? Sortons du problème séquence. Pourquoi ne pas avoir respecté le prix des domaines qui, on le sait, bien sûr, est minoré par rapport au prix du marché des domaines. 1,350 million l'évaluation des domaines. L'évaluation du domaine était de 2,560,000 euros. Pour l'ensemble de la parcelle, ce qui signifie 256 euros au mètre carré, ce qui représente 1 995 000 euros. Le prix proposé par Sequano, c'est 1 500 000 euros. Oui, et Sequano se prend la dépollution s'il y en a. Non, on assume. Vous venez de dire qu'on a dépensé 742 000 euros de frais de dépollution. Sur l'autre morceau. Mais en fait, le truc, c'est que... On manque d'ambition, c'est entre deux. Mais on doit reconstituer l'offre de logement. Du PRU1, pas du PRU2. Vous avez compris. Non, vous n'avez pas compris. Parce qu'en fait, le PRU, ce n'est pas votre sujet à vous. Le programme de renouvellement urbain, à vous, M. Stalens, ce n'est pas votre sujet. Là, on doit reconstituer l'offre de logement sur la parcelle Helvétius. Sur la parcelle Daumier, vous voyez, à côté, là, qui donne sur la rue Raymond-Lefebvre. Là aussi, on doit des logements. Et à un moment donné, lorsqu'on fait un PRU1, je sais que l'ANRU, c'est mal. On nous a dit que l'ANRU, c'était mal. OK, l'ANRU, c'est mal. Mais l'ANRU finance. L'ANRU finance. Et à un moment donné, il y a besoin de contreparties. Et s'il n'y a pas les contreparties, il y a zéro. Le truc, l'équation est simple. Sincèrement, elle est simple. Et à un moment donné, on a un site qui est extrêmement pollué, qui est dans l'état. Enfin, je veux dire, l'imprimerie PIF, tout le monde sait ce que ça représentait. Donc, on sait qu'on est sur un site pollué. Donc, le seul moyen de sortir une opération avec des recettes importantes, et c'est mon prédécesseur, et lui, il assumait, c'était de densifier cette parcelle. Il n'y a pas d'autre possibilité d'avoir des recettes substantielles que de densifier cette parcelle. Et vous le savez très bien. Oui. Oui. Voilà. Donc, on fait le choix de ne pas densifier. Si vous voulez, vous croyez qu'on n'a pas eu des promoteurs immobiliers ou qui sont venus nous voir en disant écoutez, on va céder nous ce terrain et on va vous construire 200 ou 250 logements. Et bien sûr. Mais on les met où après les enfants? Dans quelles écoles on les met? C'est ça la question. Donc, effectivement, on pourrait vendre plus cher. Mais il faudrait densifier. Mais ça, c'est à vous d'assumer de densifier. C'est à vous, parce que vous pouvez pas me reprocher un projet à mi-chemin, pas ambitieux et rikiki, si vous me permettez l'expression, mais assumer le fait que vous, Monsieur Stalens, vous souhaiteriez, en tant qu'écologiste, de densifier cette parcelle. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de... Mais il faut aller dans les solutions concrètes. Il faut essayer de trouver une solution qui soit un petit peu à l'intérieur de tout ça. Je pense qu'on peut construire de façon écologique, on peut densifier de façon écologique et on peut retirer un réel bénéfice pour cette ville. En tout cas, je l'espère et je le pense. Et je pense que réellement, c'est une occasion ratée. Je pense que voilà, c'est un peu ma déception et ma remarque de ce soir. Je pense que c'est de l'entre-deux, c'est-à-dire qu'on n'a ni un projet écolo dont on pourra se satisfaire, ni une rentrée financière conséquente pour la ville, lui permettant justement peut-être de construire des écoles. À partir du moment où on dépollue, c'est quand même une vision écologique, hein, monsieur Stalin. Juste une ou deux remarques. Je disais, à partir du moment où on dépollue le site, et c'est quand même l'objet principal, puisque ça a fait couler de l'encre pendant... Mais vous l'avez pollué pendant 5 ans ? Non, moi, je n'ai rien pollué du tout. Vos non, on n'a rien pollué. Non, mais vous quand vous disiez que vous vouliez pas mettre des barres... Monsieur Stalin, j'étais en train de parler. Dans ce cas, je peux demander la parole, mais juste, évitons de se couper la parole. Et juste une petite remarque sur la forme. Ni Cédric, ni Pape, je pense qu'on y gagnera dans la solennité du débat, c'est Cédric Pape ou Monsieur Pape. Moi, je vous appelle Monsieur Stalens. Je pense que c'est mieux que de m'interpeller comme Pape. D'accord. Je m'en excuse. Donc après, non, mais on est d'accord, Monsieur Jamais. Moi, je veux bien vous appeler Lolo, hein, mais bon, je vous y appelle Lolo, mais je pense qu'on va pas y gagner. Vous plaisantez, Monsieur Pape. Non, je ne plaisante pas. Je pense qu'effectivement, Pape, j'apprécie pas beaucoup, mais je pense que Monsieur Pape, vous êtes déjà appelé Pape. Non, mais c'est pour répondre à Monsieur Stalens. Sinon, d'accord. Bon, de toute façon, on est d'accord, donc on ne va pas tergiverser. Maintenant, après, sur ce site-là, il faut effectivement assumer, moi je prends acte effectivement de votre vision des choses, que pour faire rentrer des recettes sur la commune, on aurait dû densifier à cet endroit-là, même de façon écologique, comme vous dites. Ça a démontré, parce que c'est un vœu pieux, hein, on pouvait le dire comme ça tout fort au sein du conseil municipal. Moi, je n'ai pas vu de projet comme cela jusqu'à maintenant où on densifiait de façon écologique au sein des services d'urbanisme de la municipalité ou sur le bureau du maire ou le mien. Je ne l'ai pas vu. Donc, si vous voulez, à un moment, il ne faut pas non plus faire croire des choses qui n'existent pas. Maintenant, comme le rappelait Monsieur le maire, d'abord sur la concertation, je suis estomaqué de vous entendre dire, mais peut-être que c'est une posture politique, c'est dommage, mais de faire croire à ceux qui nous regardent, que nous n'avons pas concerté, alors qu'il y a eu des réunions publiques sur ce sujet-là. Et effectivement, comme l'a dit Monsieur le maire, je n'ai vu aucun membre de l'opposition, et c'est dommage. Notamment aussi lors de la commission municipale, il n'y a pas eu de question là-dessus. Je pense que Claire Laurence, qui vous représentait tous, a apporté son soutien à ce projet-là, parce qu'on parle encore une fois de dépollution. Claire Laurence a apporté son soutien. Oui, elle est d'accord sur le fait que ça dépollue, et vous aussi, vous êtes d'accord. Évidemment. Enfin, genre, aujourd'hui, on est sur un site pollué suite au passage d'une imprimerie Parce que c'est quand même ça, la source de la pollution, monsieur Stalins. Ajoutez-le quand même, monsieur Pape. Ajoutez-le. Et pendant la campagne électorale, vous avez mis le doigt dessus et vous voyez que nous sommes sérieux parce qu'on avait dit à l'époque, et la population a eu raison de nous faire confiance, qu'on s'occuperait du dossier de façon sérieuse. Aujourd'hui, on revient après un an et demi avec une proposition d'une zone mixte, c'est-à-dire qu'effectivement, on mélange le logement et l'artisanat. Je pense que ça aussi, je pensais sincèrement, pour être très honnête, que ça serait consensuel. C'est vrai. Je ne cherchais pas d'applaudissements, mais je ne pensais pas que ça allait créer une polémique non plus. Mais on arrive avec un programme. Je finis juste, monsieur Stalins. Et je vous assure que j'en ai encore pour quelques minutes et je vous laisse répondre. Mais on arrive avec un programme mixte qui a recueilli plutôt lors de la concertation un soulagement de la part des riverains. Parce qu'enfin, ce site va muter pendant ce mandat-là, et je pense qu'on sera fiers, la majorité municipale, de présenter ce bilan-là à la fin du mandat, puisqu'encore une fois, c'est une zone mixte, avec de l'artisanat et du logement. Pas de densification, et ça, on y tient énormément. Et surtout, enfin, une jonction entre deux quartiers qui le méritent bien, entre Lannou et les Malassis, grâce, vous avez vu les plans, ça sera chouette. En tout cas, moi, quand je le vois, quand je vois les études, je trouve ça joli. C'est ce que j'ai dit à Mme Laurence, d'ailleurs. Je trouve qu'on apporte un projet qualitatif, même si vous dites le contraire, mais vous êtes certainement dans une posture. Et en tout cas, la population nous a dit qu'elle était ravie de ce projet-là et personne n'a émis d'obstacle. C'est juste une question et sans aucune posture politique pour rassurer M. Pape. C'est pour ça, qui assume réellement les frais de dépollution du terrain, pour que ça soit clair. Mais il y a une étude qui a été réalisée sur le site et il y a un forfait qui est déclaré dans la note. Il suffit de lire la délibération et vous l'avez sous les yeux. Il n'y a rien qui est caché. Écrit, franchement. Tout est écrit noir sur blanc. Détaillé. Si vous voulez, je pense que les délibérations qu'on présente côté urbanisme sont quand même assez longues. Elles sont techniques. On fait tout côté administratif et politique pour vous apporter un maximum d'informations et parfois elles sont quand même assez lourdes à présenter. Donc tout est écrit noir sur blanc. Il n'y a rien à découvrir ce soir. Vous avez tout sous les yeux. Et encore une fois, les riverains, j'insiste, je suis désolé, mais les riverains étaient contents de ce projet-là. Ça fait des années qu'ils vivent avec ce site dans cet état-là. Et enfin, ça mute. Mais vous devriez être heureux. Madame Desbordes-Silly, ensuite. Oui, juste un mot. En fait, si je tente une synthèse, vous faites rentrer très peu d'argent dans les caisses. Et là, Sébastien Stalins a raison, on ne connaît pas en réalité précisément le coût de la dépollution. Et vous imperméabilisez. En vérité, ce qui était proposé par le BEC pendant la campagne, on a un peu ricané, mais le petit bois de Lannou, c'était pas absurde. C'est même, si on a vu une approche écologique, moi je comprends que la densification est un vrai sujet, on ne va pas le traiter ici ce soir. Je comprends que vous ne vouliez pas densifier, vous l'avez dit. Mais là, en fait, ça ressemble à un ratage, c'est-à-dire que c'est financièrement pas intéressant. Et vous ne désimperméabilisez pas, vous ne plantez pas, vous ne verdissez pas. Donc moi, je partage l'avis de mes collègues. La concertation, si vous considérez qu'une réunion publique, alors sur le terrain de la participation aux réunions publiques, à l'ensemble des événements, je serais assez discret parce que encore faudrait-il que les oppositions soient invitées, soient conviées. On l'est pas, et vous savez très bien que c'est intentionnel. Je referme la parenthèse. Pas du tout. Une réunion publique, par définition, elle est publique. Et vous y êtes invité, et sincèrement, vous seriez là, vous me posez la question, j'y répondrai. Si, les invitations sont dans nos casiers. Non. Un mail, je pense que ce n'est pas complètement absurde de demander aujourd'hui de recevoir des mails. Enfin bon, je referme la parenthèse. Et moi, j'ai été élu d'opposition, je n'ai même pas d'invitation dans mon casier. Pardonnez-moi, monsieur le maire, je me fiche de ce que vous avez subi quand vous étiez élu d'opposition. Vous vous en fichez, vous savez, vous fichez tout. Je sais que vous vous fichez de tout, Madame Desbordes-Silly. Juste, je vous dis que les invitations aux initiatives publiques de la ville. Dématérialisé, dématérialisé. Casier. Je vous invite à dématérialiser. En mairie, vous pourriez ouvrir votre casier, c'est tout. Mais on va faire des efforts pour dématérialiser. Ça coûte pas, ça coûte rien. Mais venez de temps en temps en mairie, ouvrez votre casier et puis vous verrez qu'il y a des invitations aux réunions publiques. On va y penser absolument. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc je referme la parenthèse. Voilà, merci. Sur ces histoires de réunions publiques, parce que bon, c'est un petit jeu de la majorité municipale permanente de nous dire ah, vous n'êtes pas en réunion, etc., qu'on organise. Bon, moi, je prends mon exemple, mais c'est, je pense, le cas de mes autres collègues. On passe tous nos soirées en réunion, rencontres de population, initiatives diverses et variées. Je pense que, moi, par exemple, la réunion que vous avez organisée ici avec sur la porte de Bagnolet, j'avais prévu une autre réunion. Donc, je pense qu'à un moment donné, effectivement, c'est bien de nous envoyer des invitations parce qu'encore une fois, moi, je l'ai redit, oui, des fois, on est faillible. Mais par ailleurs, à votre différence, il n'y a aucune indemnité pour les élus d'opposition. Il n'y a pas de secrétariat. Moi, je fais mes courriers tout seul, etc. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières. Mais moi, je trouve que la présence de l'opposition est utile au débat public pour donner notre avis. Et la question, savoir est-ce que vous vous donnez les moyens de faire en sorte que nous soyons là pour pouvoir donner notre avis, ou alors on crée toutes les conditions de pouvoir être au conseil municipal pour ricaner comme des bossus, comme je viens de le voir, sur le fait de l'absence de l'opposition municipale. Voilà. Est-ce que vous souhaitez que de temps à autre, on vienne, non pas perturber les réunions, mais simplement donner notre avis sur le sens de la ville et de la manière dont on veut voir comme la voir se dérouler. C'est non, simple. J'entends, on va dématérialiser. L'exemple que vous prenez sur la réunion concernant la porte de Bagnolet qu'on a fait avec votre ami Gaylord Le Shaker et qui était une réunion de qualité, c'est le mauvais exemple parce que l'invitation a été distribuée toute boîte. Donc c'est le mauvais exemple. Mais on peut encore s'améliorer. Oui, on peut s'améliorer. Mais sincèrement, les invitations sont dans les casiers. Alors, voilà. Donc ne nous dites pas qu'on n'invite pas aux réunions, c'est faux. Après, qu'il faille améliorer, qu'il faille dématérialiser, on va le faire. Petit mot, mais vous voyez, votre réponse, elle ne convient pas. C'est-à-dire que vous dites que c'est la mauvaise réponse, on l'a reçue dans la boîte aux lettres comme n'importe quel habitant. Moi, je veux bien être traité à égalité, si vous voulez, mais je viens de le dire, on passe beaucoup de temps dans des réunions publiques, beaucoup de temps dans des réunions à caractère politique, associatif, etc. Les élus de la majorité connaissent bien avant nous les dates des réunions et c'est évident qu'ils sont bien plus présents que nous à ce genre de rendez-vous. Donc la seule chose qu'on dit là sur ce sujet, c'est de temps en temps, systématiquement même, voilà, simplement d'être informé. J'imagine qu'au bureau municipal, vous avez un calendrier des initiatives municipales, ce qui est pas tout à fait normal. Hein. Moi, j'ai pas rien à dire là-dessus. Simplement, si de temps en temps... D'ailleurs, on a reçu... hier, et c'est fort bien, le calendrier des élections municipales, vous anticipez, le calendrier des commissions, et voilà, ça nous permet de s'organiser, parce qu'il peut très bien arriver qu'un soir, on a prévu un truc depuis longue date. Voilà, moi, je trouve que ce serait une bonne politique. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Jonji? Oui, je voudrais juste compléter en fait et revenir sur le sujet du terrain PIF. Effectivement, en fait, vu la quantité, en fait, l'indemnité de dépollution, il s'agit effectivement d'une dépollution qui date de longtemps et qui est conséquente. Donc, je pense que c'est important aussi qu'on ait cette opération justement de dépollution. Et oui, et ça nous coûte cher, effectivement. Et personnellement, vu de ma délégation, je suis content aussi de l'installation des villas des artisans. Effectivement, ça va ramener, si vous voulez, un quartier un peu plus riche avec une activité commerciale, enfin surtout des petites entreprises, j'espère, et des artisans. Et on va pouvoir s'en serrer dans le plan de développement économique de l'Est ensemble aussi. Et on espère qu'on va pouvoir attirer aussi des artisans. Merci beaucoup. Et on travaille sur un autre bâtiment de la rue Jean-Lolive. Et j'ai envie de dire, vous allez voir que ce n'est pas fini. On aura peut-être un autre désaccord en fonction des projets d'envergure et de qualité que nous portons et que nous allons encore porter lors d'un prochain conseil municipal. Et certainement votre désapprobation, mais qui, à mon avis, tient plus de la posture que du véritable ressenti des riverains, parce qu'encore une fois, on les a rencontrés, et je peux vous assurer qu'ils sont très contents de ce projet. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Je propose de passer aux voix. Délibération 27, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération 28, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération 29, PRU, acquisition d'une emprise foncière appartenant à l'OPH de Bagnolet, l'euro symbolique et abrogation de la délibération du 11 avril 19. Cédric. Alors, je vais m'occuper de cette partie-là, puis je laisserai l'autre partie à Olivier. On ne s'était pas concerté avant, mais je pense que ça va dans l'ordre des choses. Cette délibération, qui est plutôt technique pour le coup, vise à clarifier la domanialité de différents espaces et d'approuver ainsi l'acquisition de certaines parcelles en totalité ou en partie, donc la L172, la L173, la L174 pour 2134 m² à l'euro symbolique à l'OPH. Bon, j'espère que M. Stalins va intervenir pour dire qu'on aurait dû faire des recettes sur ce cadre-là, parce que derrière, il y a l'ANRU. Je pense que ça, vous l'avez compris. Enfin, en tout cas, vous allez le comprendre au bout d'un moment, j'espère. Afin de développer la programmation mixte développée par Foncière Logement dans le quartier des Malassis. Olivier. Merci, Cédric. On est un peu sur le même thème qu'avant. On est sur une contrepartie, effectivement, au titre du 1 pour 1 de reconstitution de l'offre de logement dans le cadre de la Convention de rénovation urbaine de 2009. Donc là aussi, c'est un projet ancien. Il y a eu un premier projet qui a été présenté aux habitants du quartier des Malassis en 2019, en réunion publique puis en conseil du quartier, qui avait été retenu suite à un jury de concours interne à la Foncière Logement. Ce jury de concours, finalement, le prestataire retenu en numéro 1 n'était plus en capacité de porter le projet. Ils sont passés au candidat numéro 2. Entre-temps, deux éléments, évidemment, la crise Covid d'une part qui a ralenti énormément de choses, et puis l'entrée en vigueur du PLUI qui a nécessité que le projet soit retravaillé pour être conforme à celui-ci. L'intervention de l'ABF aussi pour faire évoluer le projet. Et donc, une fois que ces projets ont été finalisés, on a pu avancer, comme l'a dit Cédric Pape, sur la partie foncière de remembrement et d'échange de parcelles, d'acquisition de parcelles auprès de l'OPH et de revente de l'ensemble reconstitué auprès de la Foncière Logement pour permettre la réalisation de cette contrepartie. Il était important aussi de le faire en cette fin d'année parce qu'on présentera au premier trimestre devant l'ANRU l'évolution du projet sur le secteur des Malassis au comité d'engagement, ce qui, évidemment, nous amène à faire le point sur les contreparties à Action Logement, Foncière Logement. Il était important donc qu'on puisse montrer une évolution rapide de ce projet. C'est une bonne chose qu'on puisse aujourd'hui délibérer sur cette question. Des remarques, des questions ? Monsieur Jamais. Oui, bon. Comme vous l'avez dit, bon, ça concerne évidemment les contreparties dues à l'ANRU. Donc, ce qui nous permet de faire un certain nombre de remarques sur le déroulé du projet en rue. Bon, il y a ce que vous avez évoqué, on a compris, les contreparties. Je veux juste dire un mot quand même, parce que dans la délibération, on évoque 31 logements locatifs libres, plus 30 logements en accession maîtrisée. Sans même dire comment et c'est quoi les outils pour maîtriser les prix de sortie de ces logements. Ça veut dire, en grande partie, des logements qui vont être un peu élevés. On l'a vu, des loyers élevés dans un moment où... un peu difficile quoi, pour un certain nombre d'habitants. Moi, je voudrais dire un mot, c'est pas polémique, d'ailleurs, vous n'en êtes pas responsable, donc pour le coup, ça va être presque consensuel, mais à l'origine du projet ANRU, la question des opérateurs pouvait être une question ouverte. Dans la bouche de l'État, par exemple, on pouvait imaginer que des opérateurs sociaux pouvaient demain construire, diversifier leur offre et proposer ce qu'on appelle le parcours résidentiel. en clair, en fait, permettre à, par exemple à l'office, à HLM de le faire. Quoi. Ça, c'est un truc qui s'est fermé très vite. On s'est, bon, voilà, on a fait appel à d'autres. Ce qui amène à dire qu'on va être quand même sur des prix de loyer assez élevés. Moi, j'étais assez surpris, par exemple, de voir sur Facebook que l'opération que vous menez avec Paris Habitat, on propose des logements, avec les gens qui peuvent appeler, etc., être candidat. C'est vrai qu'on n'est pas dans le cadre de l'accession au logement social avec les règles dévolues au logement social, mais bon, on voit quand même un T3, 1434 euros. Bon, voilà, c'est quand même relativement élevé. Bon, je sors un peu du sujet, mais lors du précédent mandat, Mme Colou, qui était éphémère, maire adjointe à l'urbanisme, on avait évoqué la question d'un habitat participatif qui permet justement de, bah, évidemment, que des gens s'investissent dans la construction de logements, permettent la sortie des logements avec des coûts maîtrisés. Bon, il y a eu un accord de la majorité municipale, puis ce projet a disparu, et je crois que c'est fort dommage, parce que chez pas mal de nos voisins, ça fonctionne, ça marche, et voilà. Alors après, voilà, la contrepartie, mais on a aussi un peu avec l'ANRU, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'argent, donc je suis d'accord sur le fait que pour un certain nombre d'équipements dans le quartier, c'est utile, bon. Mais il y a aussi un peu de chantage, quoi, et c'est là où je reviens sur la question du 37 au 45 Pierre-Marie Curie. Donc, le 4 décembre dernier, vous avez tenu une réunion publique, donc en direction des habitants de Malassis, afin de prendre connaissance de l'évolution du projet en rue 2. Et, bon, je suis intervenu très régulièrement ici, mais la mobilisation des habitants a permis à ce que, je pense, que l'ANRU se rende compte que, à la fois, le dossier n'était pas lié à la dalle, mais aussi le fait que c'était une mauvaise idée de détruire des logements de qualité et pas cher, bon, pour permettre d'ailleurs ce que je viens de dire, c'est-à-dire alors qu'on voit multiplier des opérations où il y a des logements qui sortent vraiment très chers, quoi. Et vraiment, moi, je trouve que dans la politique et dans la philosophie de l'ANRU qu'on doit interroger, enfin, il y a toujours une question, c'est que le logement social est responsable de la mal-vie, alors qu'en vérité, chômage, problèmes sociaux... Qu'on rencontre nos habitants sont en l'occurrence générateurs, quoi. Et donc ils reviennent avec une nouvelle proposition, la démolition de 84 logements au 40 rue Pierre et Marie Curie, faisant passer le nombre de logements démolis de 64 à 124. C'est évidemment difficile, parce que ça, moi je pense que c'est une situation qui va fortement peser sur les demandeurs de logements sociaux pour les années à venir. Alors, au cours de cette réunion, monsieur le maire, vous avez pris un engagement solennel, les bâtiments du 37 au 45 ne seront pas démolis. Alors, bon, il y a eu une réunion du conseil d'administration hier de l'office HLM, vous êtes revenu, je crois, ou le directeur est revenu sur cette promesse, hein, en disant, revenu pas au sens revenir sur la promesse, mais là, de nouveau évoqué, et voilà. Bon, ce qu'on souhaiterait, c'est quand même que sur le site de la ville, cessent de paraître les documents qui disent que ce scénario est ouvert, parce que je crois que c'est pas une bonne chose. Donc, voilà, moi je voulais dire ça. Ensuite, sur la question du 40, moi, je suis allé rencontrer les habitants du 40, on a tapé à toutes les portes. Ce qui est vrai, c'est que ce bâtiment connaît des problèmes, hein, ça c'est indéniable, que c'est beaucoup de petits logements, mais ça, je crois, dans la période qui est la nôtre, son utilité. Ça faisait longtemps que je n'étais pas retourné, donc ça m'a permis de voir, par exemple, ça va peut-être vous faire sourire, mais qu'il y a des plantes quasiment à tous les étages. Et ça, dans le logement social, c'est un bon signe, parce que ça veut dire que les gens s'approprient leurs espaces et leur cadre de vie. Et donc, voilà, ça... Moi, on va rester à l'écoute des habitants sur ce qu'ils souhaitent, sur cet aspect, parce que voilà, moi, je trouve que l'ANRU, de ce point de vue-là, a joué un rôle que je considère extrêmement négatif, parce que revirement, mauvaise surprise, projet validé par les habitants, et en fait, voilà, il y a pour le 37 et 45 un basculement sur une démolition donc, sur laquelle vous vous engagez, et je pense que vous nous le confirmerez ce soir, qu'il ne sera pas démoli. Pour les habitants du 40, il y avait un projet de réhabilitation qui, moi, me semble encore aujourd'hui celui qu'il conviendrait de mener. Et on découvre qu'il y a une démolition à cette occasion. Donc voilà, moi, je trouve que l'ANRU, on a raison de mettre de l'argent dans les quartiers aujourd'hui dits prioritaires parce que c'est les lieux de souffrance sociale, de difficultés majeures, de chômage, de précarité. Et il faut investir là-dedans parce que c'est des gens de qualité, c'est des travailleurs, c'est des salariés, c'est des jeunes et qui méritent un autre vie, un autre cadre de vie. Donc on nous impose effectivement donc, des contreparties. Je ne suis pas sûr que pour le coup que tout ça vivra très bien. On verra, mais en tout cas, je ne suis pas sûr qu'on vivra très bien. Moi, à titre personnel, je le dis sans problème. Voilà, moi, je trouvais que un quartier avec, mais là aussi, vous n'en êtes pas responsable. Donc voilà, avec deux opérateurs sociaux marquant le territoire, avec des petits pavillons et éventuellement des copropriétés qui existaient. Voilà, moi, je pense que il y a peut-être un risque là-dedans, mais. Là encore, vous avez compris, c'est plutôt une réflexion générale qu'un reproche qui vous est apporté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par contre, cette méthode qui vise à, faire du chantage aux habitants sur la question des subventions apportées pour améliorer le cadre de vie en démolissant le cadre de vie d'un certain nombre d'entre eux, moi, je trouve que c'est aujourd'hui un scandale qui, moi, en tout cas, ne devra être dénoncé. Quelques mots, on s'est éloigné des délibérations 29 et 30, mais quelques mots sur le nouveau programme de renouvellement urbain. Effectivement, le fonctionnement de l'ANRU, le règlement général de l'ANRU est tel qu'il est. On a concerté, on nous a demandé de démolir. On a proposé des schémas où on ne démolissait pas trop. On démolissait le 18 Curie. Je rappelle que pendant plusieurs mois, on nous a expliqué que les gens vivaient bien au 18 Curie. Et on a dit que les habitants que nous rencontrions régulièrement sur la question étaient à la quasi-unanimité moins une demandeurs de voir leur bâtiment démoli et dans tous les cas de quitter le 18 Curie. Ça a été acté. On a eu le débat sur le 37-45, qui est effectivement une barre plutôt en bon état, avec des logements bien conservés. Et ce qui nous paraissait intéressant à l'époque, c'était d'avoir une traversée sur le parc. Je rappelle que c'était ça qui était important. Et lorsqu'on m'a dit, on a eu les débats en conseil municipal, on a eu les débats sur place au pied du 33 Curie, j'ai alerté à l'époque les habitants. Je leur ai dit, oui, OK, vous mobilisez pour vos 24 logements, vous avez sans doute raison, on peut comprendre, mais l'ANRU nous demandera de démolir davantage. C'était évident, c'est le règlement général de l'ANRU. C'est ce qu'il demande à toutes les villes. C'est ce qu'il demande à aux villes voisines qui sont également engagées dans des NPNRU. Donc l'ANRU nous a demandé de démolir davantage. Donc on a organisé deux réunions de concertation. On a présenté le projet de démolition du 40 Curie avec ses 84 logements. Donc effectivement, ce n'est pas la même chose d'avoir relogé 24 familles et d'en avoir relogé 84 qui sont avec des familles souvent en suroccupation au 40 Curie, contrairement à ce qu'on peut connaître au 37-45. Donc on a fait le choix de proposer ça à la population pour effectivement aboutir sur ce programme de NPNRU. Après, bon, je ne vais pas polémiquer non plus, mais si vous voulez, lorsqu'on a organisé un conseil de quartier des Malassis et que des gens sont venus pour hystériser la Réunion au mois de septembre, pendant une heure, et qui sont partis après avoir tracté aux 40 Curie, expliquant aux gens, dit Martino, en gros, va démolir, et vous allez devenir quoi, etc., etc. Mais ces gens-là, ces deux personnes-là, on ne les a pas revus depuis, dans les réunions de concertation. Et en fait, je ne parle pas de vous, hein, mais et donc on est venu, je parle du tract du député Alexis Corbière, distribué aux habitants du 40 Curie, et je parle de la présence de Mme Garrido à la réunion du conseil de quartier des Malassis, où elle est venue, et elle nous a fait honneur de sa présence pendant une heure, où elle a expliqué que ce qui se passait, c'était scandaleux, qu'il fallait concerter. Donc, on a expliqué qu'on allait concerter. On lui a expliqué que sa vision des choses, sa vision théorique des choses n'était pas forcément ce que vivaient les gens tant aux 18 curies qu'aux 40 curies. Au final, on a mené deux réunions de concertation. D'ailleurs, Mme Silly était là. Et les réunions se sont passées de manière très tranquille, très apaisée. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des habitants du 18 curie ont été vus par le prestataire de l'office en vue d'un relogement et que le travail démarrera également pour ceux du 40 curie. Alors, on peut partager un point de vue sur ce qu'est l'ANRU et je ne suis pas loin de partager ce que vous dites, mais à un moment donné, on ne peut pas nous dire qu'il faut des équipements publics, il faut des logements, il faut... des rues neuves, il faut, parce qu'on a refait 8 km de voirie au Malassis dans le cadre du PRU1, et nous dire l'ANRU c'est mal, parce que c'est ce qu'on nous a dit ici, c'est ce qu'on nous a dit en réunion publique au quartier des Malassis, je mets des guillemets, l'ANRU c'est pas nos amis. Vous voyez, effectivement, l'ANRU c'est pas mes amis, même si je connais son président comme vous, Olivier Klein, même si on connaît un certain nombre d'administrateurs. Mais le problème, ce n'est pas de savoir si l'ANRU, c'est nos amis ou pas. La question, c'est comment est-ce qu'on essaye de faire évoluer nos quartiers. Voilà. Et aujourd'hui, on n'en a pas trouvé un autre. Alors, ce n'est pas satisfaisant. Mais moi, franchement, je me félicite qu'en cette fin d'année, on arrive à trouver une issue consensuelle sur le NPNRU, et effectivement, nous ne démolirons pas, donc je le dis solennellement, comme ça, c'est enregistré, les bâtiments du 37 au 45 curie. Voilà, comme ça, c'est clair pour tout le monde, et je vraiment me félicite qu'on puisse avancer en concertation avec la population sur ce projet qui est très important pour la ville et pour nous tous et nous toutes autour de cette table, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Je propose de passer aux voix, délibération 29, qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération 30, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération 31, convention 4, tripartite relative à la mission de prévention spécialisée entre la ville de Bagnolet, le département de la Seine-Saint-Denis et l'association Rue et Cité. Oui, merci. En un mot, juste pour expliciter cette convention, jusqu'à présent, la ville signait deux conventions, une avec le conseil départemental pour fixer les modalités de coopération entre la commune et le département en matière de prévention spécialisée et de protection de l'enfance. Celle-ci a été échue en septembre dernier. Et une convention avec l'association Rue et Cité avec un contrat d'objectif qui est, elle aussi, échue. Il est donc proposé ici de signer une convention qui serait cette fois tripartite, engageant les trois parties, la ville, le département, l'association, précisant les principes et modalités d'intervention de la prévention spécialisée, les priorités et les responsabilités de la commune, du département et de l'association. Je ne rentre pas dans le détail, puisque vous l'avez dans le document, juste pour signaler que financièrement, c'est une convention qui porte sur un budget de 447 337 euros annuels, 90% étant pris en charge par le département, 10% par la ville répartie comme telle, 32 600 euros de subvention et 12 100 euros de valorisation de mise à disposition de locaux. On parle de l'ancien logement du gardien du 40 rue Pierre et Marie Curie, pour être mis à disposition de l'association, donc Rue et Cité, pour accueillir du public, ce qui n'était pas le cas dans le local qu'ils ont et qu'ils gardent, mais qui est au Malassis aussi, mais qui est un local à disposition de leurs équipes uniquement. Et il me semble, Monsieur Djenan, que vous aviez demandé en commission qu'on vous transmette le bilan de 2020 et que, détrompez-moi, je crois que ça a été fait. L'intervenir sur ça, justement. Merci. Évidemment, nous allons voter cette convention comme nous avons voté la 32, la 33, la 34 et la 35. Nous allons voter pour. Mon intervention, ce que je voulais dire, on a eu un débat tout à l'heure sur la présence des élus aux réunions publiques et tout. Je peux l'entendre. Hein. Après, les élus d'opposition font ce qu'ils veulent. Ils font leur travail aussi de leur côté. Par contre, avoir les documents pour préparer les conseils municipaux, ça, c'est important. Ça fait plusieurs fois, pas simplement dans la commission, qu'on demande des documents pour préparer nos conseils municipaux, ou on ne les a pas, ou on les a, comme cette fois-ci, une heure avant le conseil municipal. Et là, je pense que ce n'est pas normal. Là, il y a quelque chose à faire, on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Effectivement, j'ai reçu le document à 17h32 exactement, mais un document de je ne sais pas combien de pages, moi je défie quiconque ici de pouvoir travailler sur un document de plusieurs pages, pour préparer son conseil une heure avant. Donc, si on peut faire mieux pour les prochains conseils, on appréciera. Alors, juste, si ça peut vous rassurer, vous avez été traité à exacte égalité des élus de la majorité qui n'ont pas non plus été destinataires du bilan de l'association Rue et Cité 2020, puisque j'avais fait la proposition qu'il soit présenté plus tard en faisant venir l'association. Donc, rassurez-vous, vous avez été traité comme tout le monde. Ça ne me rassure pas. Bah, en même temps, on ne vous demande pas de vous prononcer sur le bilan de l'année dernière, on vous demande de vous prononcer sur la convention pour les 6 prochaines années, et celle-là, vous l'avez reçue. Oui, mais... Attendez, excuse-moi. Mais pour se prononcer sur une nouvelle convention, on aimerait bien avoir un bilan. On ne se prononce pas comme ça dans le vide. Et donc, on vous l'a envoyé suite à votre demande, mais ça n'était pas obligatoire dans le dossier du conseil municipal. Et c'est pareil pour toutes les autres associations. Par exemple, pour la 32... Pour la crèche des coutures, j'ai demandé qui siège au conseil d'administration de la crèche. Je n'ai pas eu la réponse jusqu'à présent. Qui siège du conseil municipal, qui siège à ce conseil d'administration, je n'ai pas eu cette réponse. On m'a promis que j'allais la voir, je ne l'ai pas eu. Et je peux vous en citer des exemples comme ça. Madame Le Bourris. Excusez-moi, il n'est pas question d'être rassurée ou pas rassurée. Là. Enfin, depuis le début, j'ai l'impression vraiment de rêver. Un coup, on nous reproche, ça fait. On n'arrête pas de nous reprocher parfois nos absences sur certaines commissions. Les commissions, elles servent bien à ça. On demande des documents, on les reçoit une heure avant le conseil. On nous demande de nous rassurer parce qu'on est traité à la même. Pareil que les élus de la majorité. Ce n'est pas la question. La question, c'est que c'était quand déjà cette commission, Mohamed? Voilà, la semaine dernière. Et on le reçoit une heure avant le conseil. Alors, on a tout un discours sur « oui, vous ne venez pas aux réunions publiques », alors on en prend plein. C'est pas la question. C'est que nous aussi, est-ce que... Enfin, on va pas jouer à un concours parce que je pense que les Bagnoletais ne méritent pas ça. Là, on parle... Ça, le sûr. Conseil municipal, c'est une histoire de gestion. Gestion municipale. Donc, nous, en tant qu'élus de l'opposition, on a de temps en temps, je pense, le droit de donner notre avis, parce qu'on discute avec les Bagnoletais, on discute, on fait un travail d'élu d'opposition. Donc, moi aussi, je vous rassure là-dessus. Mais quand on fait une remarque, on nous remet dans la figure, vous êtes traités comme les élus de la majorité, après nous avoir fait tout un serment sur nos présences ou non, soit dans les commissions ou les réunions publiques. Excusez-moi, mais dans les commissions, si on veut jouer si vous voulez vraiment jouer à ce jeu-là, l'ensemble, la globalité des élus de la majorité n'assiste pas dans les commissions. Il y a toujours des absents. Ce soir, il y a encore aussi des absents. On ne va pas jouer à ce jeu-là. Ça n'intéresse pas les Bagnoletais. Ce qui intéresse les Bagnoletais, c'est qu'on travaille, qu'on pose des questions, qu'on débatte. C'est ça qui intéresse les Bagnoletais. À chaque fois, vous nous renvoyez ça, toujours. Mais ce n'est plus possible, ça. Donc, la question de Mohamed Jenad était légitime. Recevoir... l'intervention, excuse-moi Mohamed, mais ah oui, mais recevoir une heure avant, non, ce n'est pas normal. Et arrêtez de nous dire soyez rassurés ou quoi, arrêtez de nous prendre pour des enfants. Alors il ne faut pas s'énerver. Pardon. Excuse-moi. Je ne suis pas énervé. Non, mais Solène Le Bourris, je ne sais pas qui prend qui pour des enfants en fait, mais peu importe. Ça fait deux fois que vous me rappelez à chaque fois que je suis professeur des écoles. Oui, oui, je sais. Je ne suis pas dans une école, je ne suis pas dans ma classe. Non, ça ne va rien avoir. Moi aussi. Franchement, ça ne va rien avoir. Émilie aussi est professeur des écoles. Moi, je suis dans une classe. Non, sérieusement, ça n'a rien à voir. On vous propose une convention pour les années à venir. Voilà, c'est la convention. Le bilan a été demandé en commission. On a transmis le bilan, certes tardivement, on s'en excuse, mais voilà, je pense que c'est pas la peine de se fâcher pour ça, voilà. Et juste, pardon, Tony, pour compléter, vous l'avez reçu, quand nous l'avons reçu, en ayant demandé la dernière version à Rue et Cité, suite à votre demande en commission. Donc sincèrement, il ne faut juste pas s'énerver à ce moment-là, parce que je pense que ce n'est pas le bon moment du Conseil. C'est-à-dire que pour... traité de cette délibération-là, vous aviez tous les éléments en votre possession. Vous en avez voulu des supplémentaires, on vous les a envoyés quand l'association nous les a transmis. Là-dessus, franchement, il y a des fois on peut faire mieux, mais là, on ne peut pas. J'ai commencé par dire on va voter pour. Et pas, bah, le problème n'est pas là. Par contre, Quand vous dites vous l'avez reçu en même temps que les élus de la majorité, il faut peut-être rappeler que les élus de la majorité ont toute une administration derrière eux. Non, on l'a pas. On n'a pas de secrétaire, on n'a rien. Donc les élus de la majorité n'ont pas eu ce bilan, Monsieur Djenin, c'est ça que j'essaye de vous expliquer. Vous l'avez demandé, on vous l'a envoyé. Les élus de la majorité ne l'ont pas encore eu, c'est tout. Pour ce dossier peut-être, mais je parlais aussi des autres documents qu'on demandait aux différentes commissions, aux autres commissions. Madame Desbordes, Sylvie. Oui, Madame Trigo, je crois que quand on fait le job pas dans les temps, on fait amende honorable. On ne vous demande pas d'enfoncer. Bon, simplement, moi, je vais dire un mot sur le fonctionnement de ces commissions. Parce que je ne sais pas si Grégoire de la Gannerie est là, j'en sais rien, je ne l'ai pas vu, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais ça fait plusieurs fois qu'on met le doigt sur un dysfonctionnement de ces commissions. Ouais. Ça sert à rien de nous convoquer à 17h ou 18h, même si les visios, pour ça, c'est plus pratique. Ça sert à rien de nous convoquer pour... les commissions sont facultatives. Vous n'êtes même pas tenu de les réunir. C'est vrai, il y a plein de villes où il n'y a pas de commission. Absolument. Mais nous, on n'est pas obligé de prendre l'exemple sur ce qui est le moins démocratique. Bah, ça a été le cas dans cette ville. Mais bon, vous n'aimez pas le passé. Je préfère le futur, comme beaucoup d'entre nous ici. Bon, on a des commissions dont acte, c'est très bien, on prend soin d'y participer. Mais si on n'a aucun élément d'appréciation, si on n'a pas des élus qui portent ces délibérations, ne sont pas nécessairement présents, puisqu'ils sont représentés par le président des commissions, et le président des commissions n'est pas rapporteur, donc il n'est pas forcément, il n'a pas toujours tous les tenants et les aboutissants. Bon, dans d'autres collectivités, les réponses sont apportées 24 heures ou 72 heures. C'est pas sérieux de transmettre quelque chose une heure avant. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Mohamed, mais c'est totalement inexploitable. Donc, quand on demande des compléments, ce n'est pas pour vous ennuyer, vous mettre en défaut, c'est simplement pour avoir des éléments d'appréciation qui nous permettent de voter ou pas. D'ailleurs, Mohamed l'a dit, on les vote. Donc, je pense qu'il y a un problème sur le fonctionnement de ces commissions. Il y en a d'autres, mais en tout cas, là encore, pour le coup, c'est une question de démocratie, de droit que vous apportez, ou de considération que vous apportez aux oppositions, à l'opposition municipale. Donc, on en parle là parce que moi, je suis un peu interloquée par la réponse que vous avez faite à Mohamed Djenan, mais on espère et on vous exhorte à faire mieux. C'est pas compliqué. Exhortons-nous mutuellement. Mohamed Djenan, c'est bon ? Je propose de passer aux voix sur cette délibération. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? Délibération 32, approbation d'une convention d'objectifs et de moyens avec l'association Croix-Rouge pour la gestion de la crèche des Coutures. Édouard, tu veux dire un mot? Est-ce qu'il y a... Vas-y. Donc, ça me permet d'excuser Grégoire de la Gannerie. C'est une délibération classique puisqu'il y a une convention avec la crèche Croix-Rouge depuis quasiment 30 ans. Que c'est une crèche importante qui a fait 66 berceaux, que la convention arrivait à son terme et que l'objectif là est de renouveler la convention jusqu'au 31 décembre 2022. Voilà. Monsieur Jamais. Oui. La question de la Croix-Rouge, bon, d'abord dire qu'on va évidemment voter cette convention. La question de la Croix-Rouge est une question qui est un peu complexe. Ces dernières années, il y a eu un désinvestissement dans la commune. Il se souffle que peut-être la crèche Croix-Rouge souhaiterait cesser son activité. Et je trouve que ça serait bien d'avoir un point sur ce sujet. Il se souffle. C'est pas, il se souffle. C'est pas la crèche Croix-Rouge qui veut cesser son activité. C'est que les propriétaires de la crèche Croix-Rouge... une association diocésaine souhaite vendre le site à un promoteur immobilier. Voilà, donc vous n'êtes pas sans le savoir puisque vous posez la question. Et donc ils veulent vendre à un promoteur immobilier. Nous sommes opposés à ce projet. Donc l'association diocésaine. Enfin, ce n'est pas directement l'association diocésaine. C'est une association de sœurs, si ma mémoire est bonne. Hein. Je ne veux pas commettre d'impair en cette période de fête. En gros, l'évêché a besoin de sous. Donc, ils essayent de céder ce qu'ils peuvent céder ici ou là. Donc, ils souhaiteraient céder à un promoteur, reconstituer l'offre petite enfance de 66 berceaux. Mais à un moment donné, au au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas comment on fait, quoi. Voilà. Donc, problème de densification, problème de continuité des activités du service petite enfance. Donc, ce projet n'a pas été validé par la ville. Je vous remercie de la réponse, parce que je ne savais pas sur l'histoire du promoteur, si ce n'est qu'il y avait l'idée d'une construction à la place de la crèche, c'est ça. Ce que j'avais entendu. Je trouve que c'est un peu dommage, vous voyez, enfin, c'est, voilà, c'est, je partage votre avis et la nécessité de s'opposer à ce type de projet qui priverait la ville d'un certain nombre de berceaux qui sont fort utiles. Mais je pense que c'est bien de temps en temps, y compris à l'occasion de ce conseil municipal, de le dire, parce que c'est une information importante. Ça, voilà, c'est une question de transparence vis-à-vis du conseil municipal, vis-à-vis de la population. Ça permet évidemment de je vous l'ai dit, ça, il se soufflait que. Donc, bon, voilà, je partage bien cette position. Et ça aurait été dommage, par exemple, qu'on ne soit saisi de cette question au mois de juin, parce que c'est à peu près le voilà. Et je pense qu'il faut que le conseil municipal dise à la Croix-Rouge, non pas la Croix-Rouge, mais l'association, j'arrive pas à retrouver le nom, ouais, mais une autre association effectivement de sœurs derrière. Mais je n'arrive pas à retrouver le nom, mais je l'ai su par le passé que évidemment on n'est pas favorable à ce choix-là. Mais effectivement, j'entends, on peut informer le conseil municipal. On a eu une réunion de travail avec les collègues de la majorité municipale sur la question des projets immobiliers à Bagnolet. Donc, cette question est évoquée, mais je me vois mal aller informer en conseil de quartier ou distribuer ou informer les habitants qu'il y a un projet qu'on ne valide pas. Parce que, si vous voulez, vous imaginez quel tract on aurait pris des personnes dont je parlais tout à l'heure dans le quartier sur la mairie veut vendre la crèche Croix-Rouge. Donc voilà, donc effectivement il y a ce projet, on n'y est pas favorable, on leur a signifié, voilà, donc soit ils se débrouillent autrement, soit je sais pas, ils nous reconstruisent une crèche ailleurs, je sais pas moi, comment on fait. J'ai pas de solution au-delà du fait que ce projet viendrait porter préjudice au moratoire sur les projets immobiliers privés que l'on a mis en place, c'est le premier point, mais quand même, comment on fait pour le service public de la petite enfance, 66 berceaux, on les met où, quoi, les enfants, quoi. C'est très compliqué, franchement très compliqué. Après, avec le diocèse, c'est jamais simple. On a eu, il y a de longues années, des discussions sur le devenir de l'Alsace de Bagnolet, parce que l'évêché voulait vendre, etc., etc. C'est très complexe. Madame Desbordes-Silly. Non, je voulais simplement ajouter que le CMP quitte Bagnolet, également, le CMP Croix-Rouge, qui est dans les locaux de la Croix-Rouge. Oui ? Aucune idée. Si vous voulez, sur ce site, il y a deux choses. Il y a la Croix-Rouge qui est le gestionnaire, il y a le propriétaire, et il y a la ville qui finance les places, les berceaux. Et effectivement, la Croix-Rouge, bon, ce qu'a dit Laurent Jamais sur... on a eu le débat, il y a eu des débats par le passé. La Croix-Rouge, en tant qu'institution, nationalement, la Croix-Rouge, ce n'est pas une institution qui est dans le besoin. On ne peut pas dire que... Voilà, donc la position de la Croix-Rouge, on ne la connaît pas trop. Cédric Pape a reçu un promoteur une ou deux fois, je ne sais plus, et encore aujourd'hui, et il leur a dit non. Voilà, il leur a dit non. Donc si vous voulez, à un moment donné, il y a une discussion serrée, et il n'est pas question qu'on laisse faire n'importe quoi et qu'on laisse partir... la crèche Croix-Rouge dans ce quartier, quoi. Je veux dire, 66 berceaux, c'est pas rien. Franchement, c'est pas rien. Oui. Appesantir le débat, bon, deux choses. Bon, quand même, il y a un bras de fer. C'est-à-dire que quand même, vous avez reçu quelqu'un deux fois vous lui dites non. En même temps, ils sont propriétaires, donc quelque part, ils sont dans une situation où ils pourraient nous imposer des choix que nous ne souhaitons pas. Et je pense que là-dessus, on est tous d'accord. La première chose. La deuxième chose, c'est quand même, on a tous vécu le départ du centre de santé de la Croix-Rouge il y a de nombreuses années maintenant. C'est vrai que la Croix-Rouge, qui est une organisation qui a plutôt une image favorable, ce qui est, a décidé de, je pense que c'est une erreur et c'est pas bien de leur part, de s'investir plutôt sur les questions internationales et un certain nombre de questions, et délaisser une intervention qui était traditionnelle dans des villes et dans des quartiers populaires, dans lesquels ils ont décidé de ne plus intervenir. Et je trouve que c'est bien de redire de temps en temps que ça, ce n'est pas bien. Cédric, tu veux redire un mot ? Tu as déjà tout dit, mais effectivement, à plusieurs conseils municipaux, j'ai évoqué ou on a évoqué la pression foncière qui pouvait s'exercer sur la commune. Et à de nombreuses reprises, on a pu vous mettre en avant le moratoire. Et on est exactement dans ce cadre-là où vous avez toujours des promoteurs ingénieux qui viennent vous voir pour très clairement densifier. Et encore une fois, je vais me répéter, mais on est contre la densification et on met en avant le moratoire. Et les promoteurs qu'on reçoit, et j'étais relancé encore ce jour, la réponse est non. Et force est de constater qu'en 18 mois de ma délégation à l'urbanisme, à l'aménagement, pour le moment, tout le monde a respecté le moratoire. Donc effectivement, c'est un combat quotidien que mène le service d'urbanisme, moi en tant qu'élu et monsieur le maire, pour protéger l'ensemble des Bagnoletais de cette densification qui nous pend au nez si on n'était pas plus sur le coup. D'autres questions ? On peut passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante, versement d'une subvention à l'Atlético de Bagnolet. Yasmina. Bonsoir à tous. Alors l'Atlético, c'est une association née d'une fusion entre deux clubs de la ville. Donc le Bagnolet Football Club avec l'Académie. Il n'était pas possible de voter la subvention en amont étant donné que la convention ne pouvait pas être mise en place tant que la situation administrative de cette fusion n'était pas à jour. Il a donc été décidé d'allouer une subvention de 45 000 euros versée au titre de l'année 2021 à l'Atlético et une subvention de 15 000 euros à l'association Bagnolet Football Club, correspondant au montant de l'acompte d'ores et déjà versé avant sa dissolution. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à l'octroi d'une subvention d'un montant de 15 000 euros à l'association BFC pour l'année 2021 et à une subvention d'un montant de 45 000 euros pour l'association Atlético. Des remarques, des questions ? Pas de remarques. Délibération 33, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 34, qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération 35, subvention exceptionnelle à l'AJDB. Yasmina. Alors pour l'AJDB, comme c'est dit dans la délibération, la ville de Bagnolet a approuvé lors du conseil municipal du 20 mai 2021 une convention l'alliant à l'association AJDB, donc dans le cadre du projet 4 saisons, qui prévoyait l'octroi d'une subvention d'un montant de 14 000 euros. Ce projet s'inscrit dans la deuxième session de l'appel à projet Quartier Fertile, donc porté par l'ANRU, qui vise à sensibiliser les habitants du quartier aux enjeux relatifs à la protection de l'environnement et à valoriser des terrains peu respectés par les usagers et peu attractifs pour le quartier. Quatre sites ont été identifiés, donc la couverture de l'A3, le stade des Rigondes, le parc du 8 mai 45 et le square Saint-Paix. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'octroi d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 14 000 euros. Merci. Des remarques, des questions ? Anne ? Oui, je voulais juste ajouter un petit mot, puisqu'on avait discuté ici de la candidature de la JDB à la dernière opération Quartier Fertile de l'ANRU, justement, où il me semble qu'il y a 25 projets qui ont été choisis. Et donc la JDB s'était associée autour de ce projet 4 saisons avec l'association On s'aime tous de Montreuil, donc semer, voilà. Elle s'est beaucoup professionnalisée en matière d'agriculture urbaine et a remporté l'appel à projet, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Alors ça fait des financements vraiment à long terme, hein, c'est pas tout de suite, mais c'est des financements importants qui vont lui permettre de se développer et je pense, de développer des projets qui seront visibles dans la ville. Avec l'association On s'aime tous, c'est une ferme qui sera aussi de l'autre côté de l'Anoue, donc du côté de Montreuil, rue Hoche. Et il y a trois projets qui ont emporté l'appel à projet Quartier Fertile sur le territoire d'Est Ensemble. Je le dis parce que c'est intéressant, c'est vraiment des beaux projets. Il y a le mur à fleurs à Montreuil, c'est extrêmement beau. C'est en fait des terres polluées du département qui ont été cédées pour faire des cultures de fleurs, donc, puisque justement ce ne sera pas comestible, donc la question de la pollution est moins aiguë. Et puis il y a à Bobigny une ferme qui va travailler sur la transition alimentaire, les métiers de la transition alimentaire sur l'Est Ensemble, sur le territoire, et qui vise à essaimer et à développer une certaine professionnalisation autour de l'agriculture urbaine. Donc je pense qu'on peut être très content de ce projet remporté par AJDB, 4 saisons, on s'aime tous. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération suivante, il s'agit de l'octroi d'une subvention à l'association Sort de Terre à l'approbation d'une convention d'objectifs et de moyens afférentes. Quelques mots, chers collègues, pour vous dire, et vous l'imaginez, ce... couvre cette discussion. Avec ce vote, nous vous proposons d'attribuer deux subventions à l'association Sort de Terre, porteuse du projet de bergerie des Malassis, que chacun connaît. Cette délibération ne présage aucunement des suites des discussions que nous avons actuellement avec l'association et ses responsables. En effet, l'enjeu est ici, en fait relativement simple, nous donner collectivement la chance, les moyens de pouvoir trouver une issue commune entre la ville et l'association Sort de Terre pour organiser avec sérénité et de manière appropriée le déménagement de l'actuelle bergerie et sa réimplantation à proximité dans le quartier des Malassis. Cela ne veut pas dire que l'association est ravie de déménager, vous en doutez, et je ne le dirai pas. Comme depuis le début de ce projet, le propos de la ville est clair. Ce projet validé démocratiquement porteur d'une haute ambition écologique se fera. Dès lors, la question était finalement assez simple. Soit nous trouvions un accord et nous travaillons ensemble à la réimplantation des activités de Sort de Terre dans le quartier, soit nous ouvrions une page conflictuelle entre la ville et l'association, dont personne ne sortira grandi. Les discussions sont en cours, elles sont constructives. Nous travaillons à regarder là où les activités pourraient s'implanter de manière provisoire pendant les travaux de reconstruction de l'école, là où cela sera plus acceptable pour l'association, là où pourrait demain, après les travaux, être pérennisé dans le long terme ces activités. Là aussi, notre discours n'a pas changé. Comme depuis le début, nous disons que nous voulons que Sort de Terre reste implanté à Bagnolet, reste implanté au Malassis, et que ces activités puissent toujours bénéficier aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais. Ceci étant dit, revenons-en à la délibération. Nous proposons de nous donner la possibilité, si l'accord avec Sort de Terre survient, que du coup nous signions ensemble la convention qui est ici annexée à la délibération, de prévoir des premiers versements de 20 000 euros en fonctionnement et 63 000 euros en investissement pour l'aménagement du site provisoire. L'idée est que dès qu'un accord sera trouvé, nous puissions très rapidement procéder au versement correspondant pour accompagner l'association, tant dans la conception de son installation que dans les problématiques très matérielles d'aménagement des sites identifiés. Deux choses avant d'ouvrir le débat. Tout n'est pas parfait, c'est certain. Le chemin de l'accord n'est pas nécessairement le plus facile, mais je reste persuadé qu'il est celui qui est dans l'intérêt de chacune et chacun. Ici, l'objet de cette délibération est de donner la souplesse nécessaire pour lorsqu'il adviendra, nous puissions faire preuve de réactivité. Une petite précision de forme, la loi prévoit que notre conseil doit se prononcer sur des aliments substantiels des conventions que nous sommes amenés à signer. En l'espèce, nous serons amenés à apporter une petite modification qui n'est pas substantielle, mais que je souhaite porter à votre connaissance en toute transparence. Elle porte uniquement sur les modalités de versement et permettra de verser pour la partie investissement de la subvention les sommes sur présentation des devis avec un contrôle des factures a posteriori. Chacun comprendra ici que cela permettra de ne pas mettre l'association en difficulté de trésorerie. Vous avez la parole. Monsieur Stalens. Oui, je voudrais tout d'abord une nouvelle fois rappeler notre opposition, bien évidemment, totale à ce projet de reconstruction de l'école Pêche d'Or. C'est un écocide, on l'a rappelé, c'est la destruction d'une des richesses les plus importantes de Bagnolet, et c'est de plus un mauvais projet d'école. En tout cas, c'est notre point de vue, vous le connaissez maintenant depuis un petit moment. Nous rappelons notre soutien aussi en même temps au projet alternatif de ferme d'école porté par l'association Sort de Terre, en préambule. Ceci étant dit, je suis gêné maintenant par la méthode. Une délibération ajoutée en urgence, des commissions convoquées précipitamment afin d'imposer à l'association une validation contrainte et forcée. C'est comme ça, en tout cas, que Gilles Amar reçoit ce qui est en train de se passer en ce moment, en tout cas le déroulé. Sous la menace d'une date rapprochée de délibération. C'est la même stratégie que vous aviez d'ailleurs de mémoire utilisée en 2018. Revenons maintenant sur le contexte. Une convention subvention imposée par une menace d'expulsion et qui ne correspond absolument pas aux attentes de l'association qui souhaitait, et avant toute chose, rester sur site. Une convention précipitée ne comprend pas les éléments précis et essentiels, comme la localisation temporaire, l'organisation surtout du retour de la bégerie sur site après travaux, et comme son occupation partielle du site pendant travaux. Nous avons de plus besoin d'un vrai partenariat global entre la collectivité et l'association Sort de Terre, qui inclurait une vision à long terme, la délégation de gestion de différents espaces, et ainsi qu'un mécanisme de subvention pluriannuel soit mis en place. Cette délibération n'a pour but unique que de faire évacuer au plus vite l'association. Nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Bah, écoutez, Monsieur Stanens, comme je me suis engagé vis-à-vis de Gilles Amar, que j'ai encore rencontré hier soir longuement avec les services de la ville pour travailler concrètement, pas dans la rhétorique et pas dans le blabla dont vous nous vous affublez à chaque conseil municipal. Donc, comme je me suis engagé auprès de Gilles Amar à ne pas dire ou ne pas lui faire dire des propos qu'il n'aurait pas tenus, voilà, donc je vous laisserai libre de des propos que vous lui faites tenir. Voilà, effectivement, Gilles Amar, c'est un secret pour personne, l'association porteuse de Sort de Terre, c'est un secret pour personne, souhaitait rester sur site. C'est, je veux dire, c'est une évidence. Maintenant, comme ça s'est passé sur le projet de NPNRU, on travaille de manière constructive et de manière intelligente, on essaie de créer la confiance, ça se passe plutôt bien. Si la convention est plutôt souple, c'est justement pour mettre le couteau sous la gorge de personne. Voilà. Nous travaillons également à un accord global, donc je ne vais pas vous détailler les conditions de l'accord global, mais on travaille à un accord global avec l'association, avec l'OPH, sur les sites provisoires, sur les sites définitifs. Donc voilà, c'est tout. Après, je prends bonne note que vous votez contre cette délibération. Voilà, j'en prends acte, c'est tout. C'est une question par rapport à votre intervention dans le cadre de votre présentation tout à l'heure. Vous avez parlé d'une réinstallation de la bergerie à proximité et dans le quartier des Malassis. Ouais. Donc on sort du retour de la bergerie sur site, d'après ce que vous venez de dire en tout cas. Non, parce que c'est une question. On travaille sur une occupation temporaire sur un certain nombre de sites. Oui, ça c'est pour la période transitoire. C'est une occupation provisoire. La réinstallation définitive après travaux de la bergerie se fera bien sur le site absolument de l'école Pêche d'Or. Et peut-être aussi en plus sur d'autres c'est sites. C'est une question. Ah ouais, ouais. Peut-être en plus sur d'autres ravi, sites. J'en serais ravi pour Bagnolet avant de l'être pour voilà, vous savez pas tout. Gilles. Vous savez pas tout. Donc la réinstallation provisoire se fera en proximité immédiate de l'école et peut-être aussi sur d'autres sites. Mais vous échangez avec Gilles Amar, c'est en fait. Mais j'échange aussi avec Gilles Amar. Pas me le reprocher. Vous me reprochez de ne pas échanger quand j'échange pas. Et là, vous me reprochez d'échanger quand j'échange. Voilà. Si vous me laissez juste continuer, peut-être que vous. Je sais que ça vous embête qu'on échange avec Gilles Amar. Mais c'est absolument pour ça que... pas. Bien au contraire, vous savez, pour moi, c'est échanger, parler, discuter, c'est peut-être essayer de trouver des solutions. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Mais ce qui est dommage, c'est que vous votiez contre. Je vote contre quelque chose qui... C'est le point de départ pour lequel, en fin de compte, on vote contre. C'est ce projet. C'est de la façon dont ce projet s'organise, dont vous l'organisez, tout simplement. Je n'irai pas plus loin dans le détail. Ce qui est important aujourd'hui, ce qui aurait pu être important aujourd'hui, dans le cadre de cette convention proposée à Gilles Amar et à l'association Sort de Terre, ça aurait été peut-être de préciser un petit peu plus les choses. C'est-à-dire de peut-être de lui permettre de se rassurer. Et d'avoir une vision sur ce qui allait pouvoir se passer. Là, aujourd'hui, on lui propose de l'argent. On lui propose 60 000 euros plus 23 000, non, 63 plus 20, 83 000 euros. C'est ce que constitue essentiellement, c'est de quoi est constituée essentiellement cette convention. Et malheureusement, j'aurais aimé qu'on parle de choses plus concrètes et qui intéressent, à mon avis, un petit peu plus Gilles et l'association et les gens qui en bénéficient. Aujourd'hui, voilà, c'est, y a pas, on donne de l'argent, mais on n'a pas de site réellement précis, en tout cas. Il faut poser les DP, il faut poser les permis, il faut poser les... Oui, le mieux, c'est comme moi... Non, mais si, je l'ai au téléphone. Non, mais je vous explique. Moi, je me suis engagé à ne pas parler à sa place. C'est ce que je fais aussi. Donc, je ne parlerai pas à la place de Gilles Amar. C'est ce que j'ai fait aussi. Que ce soit clair. Donc, vous vous doutez bien qu'on n'est pas que des idiots. Parce que, si vous voulez, le truc, c'est qu'un coup, c'est on nous prend pour des écoliers ou un coup, on nous prend pour des idiots. Bien sûr qu'on travaille sur l'aménagement de sites provisoires. Bien sûr qu'on travaille sur l'aménagement du site définitif. Bien sûr. Pourquoi cette convention est aussi vide? C'est ma question. C'est juste ma question. Je suis pas en train de vous dire que vous êtes un écolier. Parce qu'il y a une autre convention qui est en cours d'élaboration. Le rythme, le tempo donné à tout ça, la précipitation. Il y a une autre, si vous voulez, l'association doit déménager le 31 mars. Il y a une autre convention qui est en cours d'élaboration et qui est travaillée par les services de la ville et par les équipes de l'association Sort de Terre. Tout simplement. On verra les conséquences. Je vous remercie. Pardon ? Ah non, mais si vous voulez, je vais pas. Enfin, je me suis engagé à ne pas parler à sa place. Donc, je ne parlerai pas à sa place. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais je prends bonne note que vous votez contre. Voilà, c'est acté. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Nous avons un vœu déposé par le groupe Bagnolet en commun concernant RESF. Édouard. Et présenté par la majorité. Et présenté par la majorité municipale, absolument. Le vœu, vous l'avez, donc je ne vais pas le lire. Vous l'avez reçu en amont et vous l'avez reçu de manière dématérialisée. Mais je vais essayer d'en redire l'essentiel. Si on prend l'ensemble de notre pays, la France n'est pas à la hauteur de son rang en matière d'accueil. On accueille moins que d'autres pays européens, et on accueille mal. On l'a vu récemment dans des proportions terribles. On lacère des tentes, on pourchasse des migrants, et surtout on les décourage. Seulement, face à cette politique d'État, il y a nombre d'initiatives citoyennes qui tentent de venir en aide à ces personnes. Sur le point de vue scolaire, il y a le réseau Éducation sans frontières, dont on a une section locale à Bagnolet, qui fait un travail absolument formidable. Et nous, en tant qu'élus, effectivement, on est sollicités, notamment pour marrainer, parrainer des jeunes scolarisés qui se heurtent à tout un nombre de difficultés face à un mur administratif dans leur situation qui est irrégulière, alors même qu'ils étudient, qu'ils se forment, qu'ils vivent ici, et qu'ils font leur transition vers un métier. Ils trouvent des employeurs, mais le mur administratif est extrêmement lourd. Le but de ce vœu, c'est de les soutenir, de soutenir l'action du réseau Éducation sans frontières, saluer aussi, par la même occasion, le travail qui est fait par la communauté scolaire, par le corps enseignant, je pense en particulier aux enseignants de ENAF, particulièrement mobilisés aux côtés de ces jeunes. C'est donc tout l'objet de ce vœu, rappeler le travail du réseau et l'impérieuse nécessité pour nous, élus ici, d'apporter notre écho, et plus largement ce que fait la ville de Bagnolet, ce qu'elle a fait sur l'accueil des Afghans cet été, maintenir cette ambition d'être une ville d'accueil. Je vous remercie. Merci Edouard. Des remarques, monsieur Jamais. Bon. D'abord, on n'a pas reçu le vœu de manière dématérialisée, mais ce ne sera pas du tout un obstacle, évidemment, pour qu'on le vote. Nous, on n'est pas disponible pour des parrainages, des marrainages, enfin, etc. Donc, Sachez qu'à cette occasion, nous sommes disponibles et mobilisés sur ce sujet. Okay. Je voulais rajouter juste un mot, s'il vous plaît, monsieur le maire. Il n'y a pas que des tentes qui sont lacérées aujourd'hui, comme vous le dites. Il n'y a pas que des tentes qui sont lacérées. En Europe, on érige des murs pour empêcher les réfugiés de pénétrer. La Méditerranée est devenue un cimetière. La Manche, c'est pareil. Et en France, on assiste aujourd'hui, à l'occasion de cette campagne présidentielle, un discours nauséabond, non seulement sur les réfugiés, mais sur les immigrés et la communauté musulmane. Donc, évidemment, nous soutenons ce vœu et on est avec vous pour organiser assez rapidement un conseil pour prendre en charge les jeunes du LCNA, parce qu'on a beaucoup, pour le prendre sur la protection et sur la protection de la ville de Bagnolet. Merci. Effectivement, il y a une vingtaine de jeunes du lycée ENAF à parrainer. On a eu l'occasion de le constater lors de l'initiative du mois dernier organisée par RESF à la Bourse du Travail. Ok, c'est noté, pas de souci. D'autres remarques ? On peut passer au vote. Qui est pour ce vœu ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est approuvé. Je vous remercie. Vœu déposé par le groupe Ensemble pour Bagnolet. Oui, bon, le sens du vœu est clair, mais je le dirai quand même parce que parfois on ne présente pas les vœux et enfin, on ne les dit pas et les gens qui nous regardent et que nous saluons ne savent pas de quoi on parle. Oui, vous savez que Valérie Pécresse, présidente de la région, après l'annonce de l'État de ne pas compenser les pertes liées à la crise Covid de 4 milliards, a pris... déjà, c'est un scandale. Enfin, je veux dire, bon, une situation difficile. Il n'y a pas cette compensation. Donc, elle a décidé de compenser à sa manière. La manière dont Valérie Pécresse compense est la suivante. On baisse le trafic d'un certain nombre de moyens de transport. Et la prochaine étape, c'est d'augmenter le prix du pass Navigo. On est dans un moment de crise climatique. On se le dit fréquemment, mais il faut agir. Et je pense que, par exemple, les transports... en commun font partie d'une des réponses à la crise. Et par ailleurs, on est dans une crise Covid et les gens s'entassent dans des bus bondés avec les conséquences qu'on imagine. Voilà, ça c'était la manière de poser la chose. Évidemment, moi, ce que je souhaite élargir un peu le propos, c'est le fait que, en l'occurrence, sous couvert de ce qu'ils appellent l'ouverture à la concurrence, on avance vers une privatisation également des transports collectifs. Même si on a détérioré l'offre publique de transport, c'est vrai que c'est aujourd'hui là aussi pour moi une bonne manière de gestion, avec y compris des statuts des agents et cette ouverture à la concurrence, elle ira inévitablement vers la détérioration là aussi des offres en direction du public. Je crois que c'est le T9 qui, en quelques mois, a eu, par exemple, le tramway T9 a eu 4 accidents. C'est un gestionnaire maintenant, l'entreprise qu'il gère, je ne sais plus laquelle c'est. Enfin bon, voilà, on a une détérioration totale. Donc, le vœu qu'on vous propose, c'est un retour au 100% de l'offre de transport public en Île-de-France. Considérant les délibérations du 11 octobre 2021 du Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Considérant que ces deux délibérations engendrent actuellement une baisse de l'offre de transport public sur 165 lignes de bus RATP, sur 13 lignes de métro, sur les lignes de RER C, D et E, sur les lignes transiliens H, N et U, et sur les lignes de tramway 2, 4, 6, 7, 8, 11. Considérant que cette baisse se prolongera sur certaines lignes en 2022. Considérant que cette baisse affecte le fonctionnement du réseau de transport en et pénalise les usagers en allongeant notamment les temps d'attente. Considérant l'urgence climatique et la nécessité de proposer des transports publics réguliers et attractifs pour faciliter leurs usages et réduire celui de l'automobile lorsque cela est possible. Considérant que la crise sanitaire demeure d'actualité, que l'offre de transport réduite compromet la tenue des distances physiques, notamment aux heures de pointe, le conseil municipal de Bagnolet émet le vœu suivant. Demande à Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité, mais aussi de la région, le retour immédiat de l'offre de transport à 100% pour toutes les lignes de transport d'Île-de-France. Merci. Félix. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc ce vœu concerne effectivement la qualité du service des transports en commun en Île-de-France. Donc vous savez que les transports en commun sont stratégiques dans les mobilités des bagnoletaises et des bagnoletais. Juste un chiffre, 59% des actifs utilisent les transports en commun pour se rendre au travail. Donc c'est un chiffre élevé et nous pouvons nous en féliciter au regard de la crise climatique. Il est donc très pénalisant qu'Île-de-France Mobilité ait voté une délibération qui entérine une réduction de la qualité du service, c'est-à-dire de la fréquence des trams et des bus. Pour Bagnolet, j'ai demandé que l'offre soit réévaluée. Cette réduction du niveau de service est liée à la crise sanitaire. Néanmoins, aujourd'hui, la demande est revenue à un niveau élevé et donc le service doit suivre. Et en plus, avec la nouvelle vague d'épidémie, on serait même en droit de souhaiter une fréquence suffisante pour éviter la surcharge des rames et des voitures. Donc en bref, sur le fond, nous ne voyons pas d'obstacle à soutenir la délibération proposée. Néanmoins, nous ne pouvons manquer de souhaiter que lorsque les élus d'opposition se saisissent de décisions prises par la région, comme au dernier conseil municipal, ce ne soit pas pour essayer d'empêcher la région de verser des subventions à la ville. Ah non, nous, on est gênés pour Mme Garrido, mais il ne faut pas être gêné pour nous. Nous, on est gênés pour Mme Garrido, mais mais bon, s'il y a d'autres remarques. Malgré tout, on aura vu lors de ce débat l'abstention du groupe ELV à la région, donc c'est quand même pas inintéressant. Comme... Ouais, ouais. C'est sûr que lorsque la région Île-de-France vote une subvention d'1,8 million pour la ville de Bagnolet, alors que vous passez à longueur de conseils municipaux à nous dire qu'on n'est pas capable d'aller chercher des subventions, chaque fois qu'on obtient des subventions, en fait, vous trouvez le moyen d'essayer de vous opposer. Donc, heureusement que cette subvention a été votée. Donc, revenons-en au vœu de Mme Garrido. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Non, pardon, c'est celle qui l'a envoyée. Donc, est-ce qu'il y a d'autres observations ? Comme présidente du groupe, c'est normal qu'elle envoie les... Oui, je veux dire, c'est... Oui. Enfin, j'allais être taquin parce qu'on a eu encore un mail fort désagréable. Enfin, l'administration a reçu un mail fort désagréable de votre co-présidente de groupe qui reprochait de ne pas avoir eu un rappel pour participer à la dernière conférence des présidents de groupe où vous n'étiez pas représenté encore une fois. Voilà. Donc, mais c'était dématérialisé, Madame Desbordes, en l'occurrence, puisque les invitations par mail sont dématérialisées. Il suffit juste des fois de faire suivre les mails ou de les consulter. Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. La séance est levée. Ah, pardon. Pardon. La SDCB, allez-y. Monsieur le maire, des avaries sur le réseau de chaleur ont à nouveau perturbé la fourniture de chauffage et d'eau chaude au mois de novembre. À l'approche de l'hiver et dans un contexte de reprise épidémique, la situation est préoccupante. Nous vous avons demandé par courriel le 7 décembre dernier de bien vouloir convoquer la commission consultative des services publics locaux, la CCSPL, en présence de la SDCB Engie, exploitant du réseau, pour faire le point sur les dysfonctionnements intervenus il y a un mois. Étant donné que vous n'avez pas jugé bon de répondre au mail qui vous a été adressé, ni même d'en accuser réception, nous réitérons ce soir la demande. Pouvez-vous rendre public le dernier rapport annuel du délégataire et convoquer une réunion de la CCSPL dans les meilleurs délais ? Olivier. Alors, les dysfonctionnements qui ont lieu au mois de novembre sur une semaine où il y a eu plusieurs désagréments ont effectivement été... difficile à vivre pour un certain nombre d'habitants de la ville, avec une concentration d'événements sur notamment le quartier des Malassis. On a immédiatement saisi la SDCB de cette difficulté, à la fois pour chacune des fuites qui ont été constatées, puis ensuite sur la difficulté globale que ça a fait peser sur les habitants. Une réunion de travail s'est tenue en mairie, qui a permis de faire le point avec eux sur les difficultés rencontrées, et essayer de comprendre pourquoi, alors que nous avons engagé un programme de travaux important, des difficultés perduraient. Bien sûr, on constate que depuis 2019, on a divisé par deux le nombre d'incidents sur le réseau grâce à ce programme de réhabilitation, mais il n'est pas encore terminé. On a encore plus d'un kilomètre cinq de tronçons à réhabiliter dans le cadre de l'avenant que nous avons voté en 2019. On a perdu du temps du fait de la crise sanitaire qui a décalé un certain nombre de ces chantiers. Donc ça joue aussi puisque un tiers des incidents qui sont intervenus en 2021 sont intervenus sur ces 1,5 km de réseau qui doit être réhabilité en 2022 avec un an de retard. Donc il y a aussi besoin d'accélérer peut-être la réhabilitation du reste du réseau par rapport au rythme, enfin le rythme prévu initialement par la délégation de services publics, ça fera l'objet de discussions avec eux. Surtout, il y a une faiblesse de la SDCB, qu'on a déjà eu l'occasion de signaler, Madame Silly, vous aussi, sur la communication vis-à-vis des usagers, qui est souvent tardive, qui n'est pas toujours avec des modalités qui sont accessibles par tous, souvent trop à destination des têtes de pont, c'est-à-dire les syndics de copropriété. Mais bon, vous écrivez un syndic de copropriété, hein, quand c'est le samedi soir, ils vous répondent le lundi matin, et entre-temps, les usagers ne savent pas ce qui se passe, donc ce n'est pas efficace. Donc on a fait remonter à nouveau ces éléments-là à la SDCB. On fera une CCSPL, évidemment, au premier semestre, dès que le rapport 2021 aura été commis, de manière à ce qu'on puisse faire le point sur la base de chiffres qui sont finalisés, et puis avec un travail mené par notre AMO pour faire une contre-évaluation de ceci, et donc une évaluation technique indépendante. J'en profite pour signaler quand même qu'il existe une application et un site internet qui s'appelle Rezomee, R-E-Z-O-M-E-E, une application smartphone qui permet de recevoir des alertes lorsqu'il y a des incidents sur le réseau. Aujourd'hui, il y a encore des progrès à faire, puisque malheureusement, parfois, ce que la SDCB appelle les secteurs Malassis, Gambetta, Centre-Sud, Centre-Ville, ne correspondent pas aux quartiers tels que les habitants les connaissent, puisque c'est une dénomination technique. Ces choses-là ont été signalées. La SDCB doit modifier ce zonage pour être au plus près de la réalité des habitants et des usagers. Donc, tout ça, on aura l'occasion d'en faire le bilan au moment de la CCSPL au premier semestre. Mais il me semble que sans le rapport 2021 définitif qui permettra d'avoir un élément de comparaison et qui permettra d'avoir le fin mot de tout ça, faire une CCSPL aujourd'hui me paraît un peu prématuré, mais en tout état de cause, dès qu'on a le rapport, si c'est plus tôt que prévu par la loi, moi j'ai pas de difficulté à ce qu'on la convoque tôt dans l'année, on s'engage évidemment à le faire. Mais on n'a pas eu le rapport du délégataire 2020. Il ne l'a pas été communiqué. Et puis la CCSPL pourrait tout à fait être convoquée. Il y a une urgence. Il y a une urgence, d'autant plus que je rappelle quand même que c'est un investissement de 10 millions d'euros, une prolongation de la DSP jusqu'en 2039. Enfin, on ne parle pas de bricole. Et puis, il y a vraiment un risque de santé publique. Enfin, c'est un vrai sujet. J'ai le sentiment que... Alors, vous pourriez éventuellement répondre aussi aux mails. Et puis, une CCSPL, ce n'est pas un groupe de travail. Ça fait partie aussi des instances qui ont été mises en place par le législateur pour garantir aussi un contrôle citoyen, une participation des citoyens. On a vraiment le sentiment qu'il y a un délégataire, un exploitant qui fait ce qu'il veut. Laurent Jamais avait raison de dire « mais quel est l'AMO ?» parce qu'il est absolument inconnu au bataillon. Un délégataire qui ne rend aucun compte aux usagers, donc il va dire « mais moi, mon client, c'est l'abonné. » Bon, et qui dans le même temps dit « oui, vous avez une application, vous êtes notifié, ça n'existe pas. » Tout le monde sait très bien qu'en cas de sinistre, personne n'a jamais reçu une notification de la SDCB en expliquant. On apprend ça sur... on s'en rend compte. Je crois que le droit... en plein hiver, à prendre une douche chaude ou à donner une douche chaude à son bébé, c'est pas complètement. C'est une question de dignité aussi. Donc il y a un vrai sujet, une question à la fois de précarité énergétique, de santé publique et de dignité qu'on peut pas minimiser. Donc je pense que répondre à nos sollicitations et consulter, convoquer le délégataire, c'est pas le premier semestre 2022, c'est janvier 2022. Que vous êtes là et qu'heureusement qu'on ne vous a pas attendu. On a rencontré il y a maintenant 3 semaines la CLCV avec la SDCB pour aborder tous ces sujets-là. Et si vous voulez, ce qui est un peu insupportable, c'est, on l'a dit, il y a des difficultés, il y a des problèmes, c'est une réalité. Mais laisser entendre que ça ne serait pas un sujet pour nous, qu'il y ait des pannes de chauffage et d'eau chaude pour les habitants de la ville et des OPH... je trouve ça pathétique, Madame Desbordes-Silly. Communiquer le rapport pathétique. Du délégataire 2020, communiquer. Oui, oui, oui. Il y a des manquements sur le. En tout cas, vous donnez le sentiment de ne pas faire le nécessaire. Le problème, c'est que sur tous les sujets que vous abordez, en fait, on donne toujours le sentiment. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut regarder les faits concrets. Donc, sur ce sujet-là, il y a des défaillances du délégataire. Je vous le rappelle, vous n'aimez pas le passé, parce que c'est vous rappeler le passé à chaque fois, que je n'ai pas choisi. En l'occurrence, il a été choisi en 2012 par ce même conseil municipal. Mais je n'aime, effectivement, vous n'aimez pas qu'on rappelle le passé. Mais c'est souvent comme ça. Donc, mais oui, ça vous embête. Mais à chaque fois qu'on vous s'adresse à vous, vous tournez la tête de manière suffisante et désagréable. Je souffrais qu'on vous réponde. Donc, je n'ai pas choisi le délégataire. Il a été choisi par ce conseil municipal en 2012 avec M. Laurent Jamais comme premier adjoint. Je suis désolé de le dire. Il y a des choses à améliorer sur la délégation du service public du chauffage urbain à Bagnolet. Oui. C'est pour ça qu'on a lancé un plan d'investissement. On leur a demandé de lancer un plan d'investissement. Voilà. Il y a encore des défaillances. Croyez-moi que lorsqu'on reçoit des messages un dimanche soir ou un samedi soir de locataires de l'OPH qui n'ont pas de chauffage ou qui n'ont pas d'eau chaude, croyez-moi, c'est pas agréable et c'est pas agréable surtout pour eux. Mais laissez entendre qu'en fait on n'a rien à carrer qu'il y ait du chauffage ou de l'eau chaude à l'OPH, c'est faux, c'est pas vrai. Voilà. Donc il y a des échanges constants, musclés avec la SDCB. Et ça va continuer comme ça, voilà. Et on convoquera la commission dont vous parlez. Oui, là, c'est une question de... Je suis fort aise d'entendre que vous agissez. Mais il y a une question aussi de transparence de l'action publique. Cette question n'aurait pas lieu d'être, on ne vous l'aurait pas posée. Soyons fort aise. Allez, bonne soirée, passez de bonnes fêtes.